Suite à une panne d'électricité qui frappa la petite Italie, nos collaborateurs ont pu survivre à l'aide de restants de bûches de Noël et d'alcool frelaté. Remis de leurs états et ayant maintenant du courant, voici la suite de leur récapitulatif 2012. On est de retour 2013, mesdames et messieurs. Bienvenue au Geek Collectif. Elle t'approche, celle-là. Elle t'approche, hein? Merci. J'ai juste dit la fin habituelle, finalement. Non, je veux dire, la fin est approche, là. Ah, la fin est approche. Oui, c'est vrai. On a manqué d'électricité. C'était l'apocalypse. Ouf, ouais. On vient de continuer la panne de courant. Ah, ça n'a pas de sens. Là, c'est un one take, ça. L'électricité est revenue, on a dormi là, fidèle au poste. Ouais, c'est ça. On recommence à enregistrer. Finalement. Personne n'a pris de douche. On est tous bien collés l'un sur l'autre. Effectivement. C'est gardé voilà. Chaud. Je me suis ennuyé de vous autres pendant notre continuité d'autres épisodes. Oui. D'accord. Ça fait du bien de se retrouver autour de nos micros habituels. Les fêtes ont été dures. Ouais. En tout cas, pour moi. Ouais. T'es dur? Ça? Ben, toute la famille était malade. Je le suis encore ouais, un moi, ça peu. C'était pas évident. Puis, ben, du voyage même, c'était pas si pire que ça, là. Ça s'est bien passé, mais je pense que c'était épuisant. Là. Apparemment qu'il y a eu un peu de neige aussi, je pense. Oui, on a eu beaucoup. Juste un petit peu. Ouais. C'était pas si pire. C'était vraiment une belle journée, ça. Ouais, je travaillais. Non, c'est pas une belle journée. Donc, juste pour faire un petit recap, combien de personnes autour de la table ont eu le rhume? Moi... Je l'ai encore. Moi aussi, encore. Moi, je l'ai eu, moi. Ben, long, avant tout le monde, moi. Je l'ai eu peut-être un mois passé, là. T'es comme un hipster du rhume, genre, tu l'avais. C'est ça, moi, je l'avais avant tout le monde, moi. Je l'ai m'en débarrassé avant que ça puisse cool, là. C'est aussi. Donc, temps des fêtes, à part être tough, avoir de la neige, être malade, y a-tu quelque chose qui s'est passé? Moi, j'ai eu un beau cadeau de Noël familial. Oh. Une Wii U. Oh, oui. C'est ça, là. Puis c'était comment, la Wii U? C'est cool, c'est... là. C'est... une fois que les updates sont faites, là, ben, là, t'as d'autres updates. Puis chaque affaire que tu cliques, t'as des updates. Mais une fois que t'as cliqué à peu près toutes la première fois dans la semaine que tu joues, genre, après, quoi, 8 heures d'update au total, quasiment, je dirais. Puis j'ai une bonne connexion. C'est le fun. C'est cool. C'est plus fun que j'aurais pensé. Ouais. Puis sauf qu'à tout fois que tu mets un jeu encore, c'est nouveau. Fait que c'est update. Tu sais, je m'ennuie du temps que tu pouvais juste souffler dans la cassette 15 minutes puis jouer tout de suite. Là, là c'est t'attends que ça load, là. C'est quelque chose. Mais après ça, j'ai adoré mon expérience. Question, ça. Les kids. Ouais, c'est ça, les enfants. Moi, parce que moi, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, c'est les kids. Le plus vieux, il trippe sa grosse manette, je dirais. Il y a 9 ans, là, puis il est comme, je veux jouer à Mario, tu sais. J'ai acheté Mario puis Zombie U, tu sais. Puis... Tu veux dire que la Père Noël a donné Mario aux amis? Non, c'est moi, c'est moi qui ai fait ce cadeau-là pour même, la famille. Ouais. Mais tu sais, je le passe en même temps avec ma femme. Regarde, le Père Noël, il a apporté les trains en bois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de papa. C'est... c'est moi puis ma femme, on s'est dit, on va faire un cadeau familial. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on s'ajoute une Wii U cette année à Noël, puis... c'est nous autres qui jouent avec. C'est quand même cool, au moins. Mais y a-tu eu un peu de magie de Noël ou tu sais, genre. Non, elle était pluggée. Moi, puis ma blonde, on s'est couché genre 5h du matin, le 24, pour tout plugger ça, faire après les updates. Puis, je l'avais pluggé à 2h15. J'ai fait des updates jusqu'à 5h. Puis, en même temps, on montait un petit meuble Ikea, là. Mais ça, c'était une autre affaire. C'était une cuisinière pour l'autre enfant. Attends, une cuisinière, puis ça a fini en quoi, à table de salon? Ou... Non, ça a fini en petite cuisinière, c'est juste que ça a pris comme 3 heures à monter, là, parce que c'était long pour arriver. C'est pour ça que c'est pas cher chez Ikea, c'est parce qu'ils calculent pas le labor. C'est exactement ça. C'est un peu comme aller au Super C ou au Maxi. Là. Fait que les caisses libre-service. Ben, c'est ça, tu vois que t'es sauvé 30 cents sur les bananes, mais t'es en train de remplir tes sacs. C'est toi qui mets tes sacs. Ou tu grimpes dans l'échafaud sur 4 étages pour aller chercher le Pepsi en spécial. Ouais. Aussi. Ben, en tout cas, on a fait ça, là. Fait que quand le lendemain matin, on lui a fait développer une boîte vide, ben, il fait comme, la Wii U, tu sais. Puis là, t'enlèves juste une petite couverture de rien que t'avais mis sur sa console qui était déjà pluggée dans le même. Voilà! Puis tu l'enlèves, puis, quand on est déjà pluggée, toutes les updates sont faites, on peut jouer. là, ils sont contents, là, tu sais, là, y a pas de niaisage de foutu le plug, ou, c'est comme avoir un cadeau, il te faut des batteries, puis il y en a plus, puis minuit ouais. soir, fait que tu peux pas jouer avec ton jouet jusqu'à, ah, c'est fermé tel le 25, fait que là, tu joues pas avant 3-4 jours, là. Faut que tu penses avant, mais. Non, mais en plus, pendant qu'il est kid, là, ça l'intéresse qu'il se réveille pis c'est fait. Ouais, 3-4 ans, là, il va être comme, hey, c'est donc, choses. Là, j'aurais voulu le plugger moi-même, ouais. là, l'ouvrir ouais, tout seul. J'étais assez grand. Ben, c'était le fun pour ça. Une question qui tue, par exemple, pour Zombie U. C'est moi qui joue avec, par exemple. Zombie U, là. Question qui tue, là. C'est-tu mieux que Daisy? Ben, il sait pas, il a pas joué à J'ai joué une fois, non, j'ai joué une fois ou deux à Daisy, il y a longtemps, mais c'est pas pareil, je te dirais. T'sais, Daisy, c'est open world, là. Tu fais qu'est-ce que tu veux, tu peux te promener quasiment une heure sans voir un zombie, presque, là, t'sais. Tandis que l'autre, c'est très linéaire. Tu peux pas faire une heure sans avoir un zombie dans Daisy. Ben, en fait, ça dépend où tu marches. Moi, je marchais sur le bord de l'eau. Fait divers. La durée de vie moyenne dans Daisy est affichée sur le site web de ouais, Daisy ouais. Mod. C'est 1h06. Ben, les premières fois, au début, après ça, je me souviens, c'était 45 minutes, puis tu sais, ça. Moi, ouais, t'es au-dessus de la norme, là, après ça. Quand tu t'offres plus qu'une heure, ben c'est sûr, si tu restes une heure dans le bois couché... Ben c'est ça, je m'en allais dire. Là. Good job. Ouais. Tu restes dans la si grange, puis tu bouges vrai, pas. Puis tu passes une heure, t'es considéré comme... T'as réussi à survivre. T'sais. C'est ça, fun, c'est, hein? Ouais, c'est... Mais c'est quoi, juste? C'est comme tu te promènes, t'as pas d'âme, t'as pas rien, puis... Tu commences avec rien, mais ça... Je peux-tu, Daisy, ça s'explique? Je peux-tu dire vite fait sur Daisy? Go. Parce que je sais que t'en as beaucoup à dire. Ben, oui, puis en plus, il est dans ma liste. Ok, ben c'est normal, c'est clair. Moi, j'ai hâte de vous me le plugger. Mais juste un exemple de Daisy, là, c'est comme... Parce que toi, t'as eu des expériences, mais j'ai eu une bonne avec toi. Oui. Où ce que t'es carrément... On se rencontre sur la map après avoir traversé la moitié de la map puis éviter des zombies puis survivre. Puis là, après ça, on est comme, ok, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, quand tu fais juste... Tu vas dans un building, tu loot, tu trouves des armes, t'essaies de devenir plus fort. La nourriture, de l'eau. La nourriture, de l'eau, en évitant des zombies... Pis pendant que t'es caché dans une building en train de checker de quoi, tu vois un sniper qui court en haut, pis là tu dis à Andy, hey Andy, y a un sniper là-bas, je pense que j'ai vu un sniper. Pis là y a une roquette qui tente dedans la building, pis la building elle tombe sur la tête. Ah, les zombies peuvent te... Les non, peuvent c'était un autre survivor. En fait, non, mais en fait, ça c'était même un pirate, parce que Rocket Launcher, techniquement, y a pas ça dans le jeu. Ouais, il est arrivé, pis j'ai vidé 4 chargeurs dans son front. Puis il était de bout. Ben, c'est pour ça que tu t'es parti un serveur, c'est ça? Ben, ou... En fait, on est en train de se partir un serveur tranquillement, pas vite, qu'on va rendre public. Parce que moi, quand j'ai installé Daisy, j'avais un anti-cheat qui s'installait automatiquement. Ouais, mais c'est parce que de la manière que ça fonctionne... Ben, c'est parce que de la manière que ça fonctionne, c'est que c'est basé sur un jeu qui s'appelle Arma. Puis Arma, c'est un jeu pour les fans de jeux de guerre puis les choses comme ça. Fait que l'anti-cheat, c'est nouveau, puis c'est pas faux. Tu sais, c'est pas sans faille, parce que ton jeu... envoie l'information au serveur, puis le serveur, il apprend comme si c'était n'importe quoi, là, puis il fait confiance à tout le monde. Ton serveur, là, c'est la fille avec trop de verre dans le corps à 3h30. Ouais, c'est elle apprend tout, puis il n'y en a pas de problème, puis tout le monde est gentil, puis tout le monde va bien la traiter. Fait que, tu sais, une fois de temps en temps, t'as de l'information qui passe, ou le gars, ça peut être un gars aussi. Mais un gars, d'habitude, à 1h15 avec une bière, lui, il prend tout, qu'est-ce qu'on est dans. Ah, même en rentrant le club, je pense qu'il prend tout. C'est ça, lui, il est dans le line-up, puis il est déjà prêt. Ah, chaud! Très bonne imitation d'un gars qui est dans un bar 1h30 avec une bière dans le corps. Yes! Ce qui m'effraie, c'est que c'est Mel qui l'a bien en plus. Mais en gros, c'est ça, tu sais, oui, il y a de la protection contre la triche, mais c'est pas 100% sans faille. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris dans mon temps des jeux vidéo en ligne, c'est que si quelqu'un veut tricher, il triche. Mm-hmm. Puis tu te fais fourrer, puis éventuellement, il faut juste que tu saches c'est qui, puis tu t'en débarrasses. Ouais. C'est une question d'administration de serveur, c'est une question de... Exactement. Le seul jeu que je connais que tu peux pas vraiment cheater, c'est WoW. Non, mais tu cheats dans WoW aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup... J'ai vu des cheaters, j'ai entendu... Pogné, c'est... Non, mais... Tu fais voler des codes, tu t'en Non, mais qu'est-ce qui cheat dans WoW, c'est... Acheter des les bots. Puis... Fait que tu vas avoir quelqu'un qui va faire un bonhomme, puis on va dire tu veux faire de l'argent. Mais tu configures un bot pour contrôler ton bonhomme. Pour le faire farmer. Pour le faire farmer. Ouais, pour le faire farmer des. Mais ça, c'est ça. Ils peuvent pas l'arrêter. Ça, ils sont pas capables. Non, mais c'est de pogne, par exemple. Parce que des fois, tu vois un gars random. Puisque mon ami, c'est déjà arrivé. Justement, un de ses amis faisait ça avec un bot. Puis il était random. Puis là, il y a un gem qui s'est approché. Puis qui a parlé. Il a pas répondu. Il a su dire c'est un bot. Il le colle, c'est coupé dans le cul. Ça serait le fun de voir. Moi, j'ai pas vu ça encore. Puis moi, je fais bien du PVP. Puis il y en a toujours des PVP bots. Puis il y a personne qui fait rien. World of Warcraft, c'est médiéval, ça. C'est très médiéval. C'est fantastique. Ouais. Ouais, je... C'est fantastique, en fait, très médiéval. Ouais, ben, sinon, au niveau de Noël, y a-tu d'autres choses qui vous est arrivées? Y a-tu des faits que vous voulez partager avec nous? De l'actualité, Mélanie, tu nous parlais de quelque chose un peu avant le début. Oui, en fait, cette semaine, il y a eu une drôle de trend sur Twitter. Je sais pas où j'ai vu ça. En tout cas, quelqu'un qui le share sur Facebook, puis j'ai été voir ça. Ou j'ai que vu ça passer, je pense. Ouais, le hashtag, c'était Cuts for Beaver. Ouais. Donc, c'est notre charmant 4chan qui avait probablement trop de temps à perdre, qui dit, on va faire quelque chose de drôle cette semaine. Il y a une photo de Justin Bieber qui est sortie cette semaine en train de fumer un gros juicy. Mais pas un juicy, excusez, ça c'est oui, que j'ai vu, je trouvais que ça avait l'air d'un petit cigare, là. Du coup, il fumait du weed, là. Ouais, ben, il y a blanc à la Snoop Dogg, là, tu sais, que tu roules toi-même, qui mesure comme 4 pouces, me semble. Puis il y a, tu sais, les petits cigares, là, c'est prime time style. Ouais, les cigarillos. Ça avait, ouais, c'est un cigarillo. Ça avait l'air de ça. Ouais, ben, justement, moi, si tu me dis, il fume un blunt, je m'attends à un astic de grosse affaire dans la bouche à Bieber, tu sais, qui, ah ouais, là, comme Snoop Dogg, ou Snoop Lion, tu sais. Excusez, ouais. Tandis que... Non, mais en tout cas, apparemment qu'il fumait du weed, puis 4chan dit, on va s'amuser, on va y trouver des photos de filles qui s'ouvrent les veines, puis on va partir un trend sur Twitter qui s'appelle Cuts for Bieber, en postant la photo d'une fille qui s'est coupée, bon, on va faire croire que c'est une fille, puis elle va dire, Justin Bieber, stop smoking weed or I'll cut myself. Puis là, elle met en hashtag Cuts for Bieber. Pour et encourager 4chan... les petites filles à se couper. Oui, c'est ça. Fond, donc, 4chan a mis ça sur Twitter et ça a marché. Il y a des petites filles qui ont embarqué là-dedans, même des gars, ils ont embarqué là-dedans en s'ouvrant les poignets, le en se coupant, puis Justin, stop smoking, look what I've done to myself. Puis là, elle met une photo d'elle en train de sous les veines découpées comme ça s'était passé ça dans un tracteur. overly attached girlfriend. Oh, ouais, non, c'est... Mais j'aime ça, moi, qu'avec les 4chan, ils partent des affaires où, tu sais, il n'y avait pas de trollé à un concours, ouais, mais là, ça montre comment c'est manipulable. Ben, c'est ça. Mais à quel point, à un moment donné, là, pareil, là, tu sais, c'est comme... Ben, c'est la joke qui décide de fumer. Parce que le monde se coupe. Ouais, c'est parce que là, c'est parce que leur public cible là-dedans, à 4chan, c'est des petites filles de 12-14 ans. C'est ça. Des filles faciles manipulées, qui savent pas qu'ils sont en pleine crise d'hormones, parce qu'on est en puberté. Fait qu'ils sont comme, oh Dieu, puis ils vont se couper. Des fois, ils vont se couper juste parce qu'ils sont dépressés, puis ça l'a juste comme enclenché un petit quelque chose. Fait que là-dessus, j'étais comme, Mais le troll, justement, il est allé un peu trop loin, dans le sens que quand 4chan vont troller Coca-Cola ou Mountain Dew, ouais, pour c'est compagnie, tu sais, c'est pas le particulier, ça, là. Ils vont faire de quoi au concours, c'est drôle. C'est ça, c'est drôle, mais tu sais, comme elle est petite fille, encourager du monde peut-être influençable à ça. C'est ça, exactement. Ben, ça, j'avoue que ça avait mal, c'est peut-être pas la meilleure. Fait que ça a viré comme ça, ça a même passé aux nouvelles, c'était une grosse. Le premier qui a posté ça, peut-être, par exemple, il s'attendait pas à ce que, tu sais, peut-être c'est chute d'une scène sur un petit forum. Mais c'est pas un chien, là, là-dessus, c'est tout des petits culs. Ouais, il y a ça. Fait que ça a bien pogné, puis moi, ça m'a vraiment traumatisé. Tout 8 ans. Non, ben, je pense 4chan, quand même, c'est un petit peu plus profond que ça quand ça vient au trolling là-dedans. Ouais. Mais, c'est de l'école. C'est pas bon, là. Ouais, c'est de l'école du trolling, là. Ouais, non, vraiment. Fait que c'est ça, désespération. J'ai lu ou j'ai vu passer la nouvelle, une fille se tuer. Ça faisait-tu partie du troll, ça? Peut-être que ça a mal viré, puis assez gouvernement les mêmes, ça a mal viré, mais j'ai pas vu. Il y en a peut-être qui sont juste, tu sais, tellement influençables, qu'ils voient ça, ils pensent que c'est vrai, puis ils disent, moi, je vais le faire, je suis la fan de Bieber. Ben, c'est ça aussi, c'est ça le but. T'as une fan de Bieber qui est influençable. Chuche. Ça existe peut-être, je sais pas, là. Non, mais c'est assez mongol, pareil, de voir à quel point... Que 4chan a du pouvoir. Ben, oui, puis non, mais oui, mais moi, ce qui me fait encore plus capoter, là, c'est vraiment, c'est le point tel que, à quel moment faut que tu sois persuadé, là, que tu vas te couper, Justin Bieber va faire comme, ah non, cette fille-là s'est coupée, je vais changer mon style de vie. Non, ouais, il s'en colle. Puis comme le monde qui font la grève de la faim, là. Mais tu t'en vas pas manger dans un lobby d'hôpital en pensant que tu vas tout arrêter. Mais tu parles-tu de les grèves de faim qui se passent dans les nouvelles? Non, pas en tout, j'ai juste utilisé ça comme exemple. C'est drôle. Mais tu sais, du monde qui font ça, là. Je sais qu'il y a une grève de faim, c'est en ça, mais j'aime pas ça. Il y a pas de grève. Il y a une chef amérindienne. Ouais, c'est ça. Mais, une grève de faim, mais elle avoue Mais c'est comme le gars qui tu sais, va te crisser en feu, excusez l'expression, là, mais comme, tu sais, ce que je veux dire, là, va t'immoler, ah, comme les ça moines, va changer quoi. Les moines tibétains, il avait fait. Fait que c'est ridicule. Non, c'est sûr et certain. Mais écoute, merci de nous avoir partagé un autre moment historique. Mémorable de la dureté du mental humain. Ouais, c'est les hashtags de Belle. Sinon, toi, Eric, t'as-tu quelque chose qui t'est arrivé, que t'as vu, que tu veux partager avec nous cette semaine? Ben ouais, ben moi je me suis amusé parce que ma femme, on avait joué longtemps passé à WoW pendant un an ou deux. OK. Puis pour Noël, j'ai décidé d'y aller parce qu'elle avait trouvé les pandas cute. Fait que j'ai décidé d'y acheter ça. Puis là, on a acheté tout un kit. Puis on a passé une vraie partie de samedi passé, en fait, on a parti vraiment une session de geek là où ce que. Mais vous aviez pas déjà les. Elle, moi, les c'était deux. Rendu moi qui jouais. Elle joue beaucoup moins, là, ça fait peut-être. Mais je pensais les deux, vous aviez acheté l'affaire de panda. Oui, genre. Ben moi, c'est parce que moi j'avais déjà l'affaire, j'avais déjà l'extension, puis je m'avais pas fait de panda encore. Moi, je m'occupe juste de mon paladin humain, ça fait 6 ans. OK, les deux ensemble, vous avez parti des pandas. C'est ça. Puis on a joué, là, on a changé le salon, là, on a mis nos ordi un en face de l'autre, là. On a fait vraiment le geek out à 100% ça, comme qu'on ça, faisait. C'est fun. Ouais. On a joué pendant des heures. C'est comme un souper aux chandelles avec des ordi en ouais, mais elle, c'est parce qu'elle est meilleure que moi. Comme moi, je suis bon dans le viscéral de ces jeux-là. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais je suis bon dans le PVP. Moi, je suis nul. Moi, je suis excellent là-dedans. Je m'amuse. J'ai des amis, on fait des arénas. Je suis pas les meilleurs au monde, mais je suis quand même très au-dessus de la norme. Puis on s'amuse au bout avec ça. Puis c'est ça que j'aime. Puis j'aime niaiser les gens. Puis tout ça. Ma femme, par exemple, là, elle va te fucking travailler du cuir. Puis faire du cooking comme une championne. Puis elle va faire des donjons comme qu'elle est capable. Puis, moi, je suis donjon. Je suis raid, mais PVP. Moi, le monde, ben, il sait que j'ai joué 3 mois, là. Puis moi, les là, gens, j'étais dans les donjons. Moi, puis... comme ça. Moi, je ruine des journées, là. Probablement, le gars, je jaillis quand j'ai du PVP. Non, mais moi, c'est parce que je suis quand même assez bon. Comme moi, tu sais, ça me prend toujours les meilleurs pour me descendre dans mon serveur. Tu sais, quand c'est rendu que t'es les meilleurs dans le serveur, quand ils savent que je suis en train de fucking causer de la bullshit, ça fait de la grosse connerie. Mais je suis le genre qui se promène dans un daily, là, en train de faire les daily avec tout le monde. Tu connais, waouh, tu sais, c'est quoi un daily, puis on est en crise dans Mr. Pandaria. Puis moi, je me promène flagué, puis moi, je suis un serveur roleplay. T'es flagué? Mais je suis toujours flagué. C'est un serveur roleplay. Là. Je suis là depuis le début. J'ai jamais changé parce que je me suis fait des amis, mais c'est un serveur roleplay. Là. Les gens, ils allaient là pour aller dans Goldshire, là, puis faire de l'amour virtuel, là, puis faire des guerres en parlant. c'est vraiment... Explique-moi plus à propos de cet amour virtuel. Attends, j'ai une histoire vraiment drôle à côté vite. Genre des bonnes. Il y avait... c'était tellement drôle. Une vidéo sur YouTube. C'était quelqu'un d'une guilde qui était vraiment suicidé pour de vrai dans la vraie vie. Puis c'est drôle. Écoutez la fin. Fait que la guilde c'était pas ça la dans fin. La guilde dans la guilde WoW, OK? Ouais. Ils ont fait une cérémonie dans WoW pour commémorer la personne qui est morte. Il s'est suicidé. Je pensais qu'il était genre bord d'une maladie puis que c'était triste. Non, il s'était suicidé. Fait que là, ils ont comme fait une grosse cérémonie sur le bord de l'eau, puis il y avait les hordes qui savaient qu'ils avaient stocké leur fortune. Puis attends, je peux finir mon histoire. Ils ont été stalkés les forums, puis ils ont su c'était quand, à quelle heure. Fait que quand ils faisaient la cérémonie, ils sont allés les raider comme des putes! Mais c'était tellement drôle, tu vois la vidéo, puis ils ont filmé, genre, puis ils sont sur tout le monde, puis le monde comprenne pas, genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis ils se font piner, genre. Puis la rage commence, c'est la guerre totale, partout sur le serveur, là. Mais c'était tellement drôle de voir ça, t'es comme, tellement c'est chien, chien mais c'est temps. Drôle, parce que c'est un hommage, un gros qui est mort. Ils ont tellement pas de cœur, c'est qui est drôle. Mais c'est là que tu vois que ça, c'est un aspect uniquement sur internet. Ouais. Dans la vraie vie là, mettons là, hey, le gars il est mort, pis, OK, il est exposé à l'église à telle place, tu te quittes. Puis le monde il rentre pas puis il fout de la merde à l'église, puis tu sais, t'as un minimum de respect que tu peux avoir là. Hero, là, quand il est sur le top puis qu'il est mais c'est ça. Ses funérailles, il arrive en hélicoptère puis il gagne ça à coup de missile des funérailles. C'était carrément en tout cas pour le sexe virtuel que je vois des fois, c'est assez spécial parce que je suis un serveur roleplay. Attends, il y a du sexe virtuel à Star Wars. Mais c'est parce que moi, je suis un serveur roleplay. Là. Comme je dis, moi, j'ai commencé à jouer à WoW. Pas jouer à ça depuis un bout, moi, là. J'ai rencontré, moi, c'est parce que j'ai un chum que je travaille avec, puis encore à ce jour, on fait du PVP ensemble, puis on est des bons amis. Puis lui, le gars, il est très, très, très bon. Là. Lui, il joue avec parmi les meilleurs, mais c'est mon buddy que je demande de l'aide quand j'ai besoin. Mais on a commencé sur ce serveur-là, qui est un serveur de roleplay. Puis je me suis toujours amusé à voir ça parce que t'as des politiques, Puis ce serveur-là, maintenant, en plus, ils ont commencé à merger tous les serveurs dans les zones principales. Fait que là, tous les serveurs sont dans des places comme les villes principales et des choses comme ça. Puis oui, t'as des, tu sais, dans le jeu, tu peux marcher. Mais tu marches jamais, là. T'embarques ton mount, tu décolles d'une place à l'autre. Mais il y a des gens, là, qui vont apprécier une marche d'une place à l'autre, puis être dans le personnage qui joue, et être dans le rôle qui joue. Puis moi, je m'ai toujours amusé avec ça, là. Moi, je savais que ça se passait. Ben, fait que moi, j'ai toujours... dans un sens, t'as essayé. Ouais. C'est tout ce gars-là, cool, là. Il doit triper encore. Non, plus, non mais le pire, là, c'est que de sur mon serveur, il y a des gens là, qui sont vraiment hardcore. C'est toutes des personnes qui écrivent très bien. C'est des fanatiques d'histoire fantastiques. Wow, j'avais vu ça. C'est ultra gay, je m'excuse. Non, mais c'est des. Non, mais eux, là, c'est vrai. Il y a du monde là, qui travaille pour des compagnies de jeux vidéo. C'est toutes des personnes qui trippent. C'est sur un des premiers serveurs de roleplay qui est quand même assez populaire. Puis moi, j'ai roulé là-dessus par hasard au début de WoW. Puis j'ai resté là, je me suis fait des amis, puis j'aime cette place-là, mais je roleplay, mais pas en tout. Moi, je suis le gros tata qui se promène dans l'entour qui fait chier tout le monde, ça fait 6 ans. Fait que bully du serveur. Ben, je suis pas un bully, je suis juste. Moi, je bully les bullies, ça a toujours été mon affaire. Mais des fois, tu te rends dans Goldshire, qui est comme une des villes, des petits villages, les hubs principaux de les humains, puis tu vas rentrer là-dedans, puis des fois, tu vas monter en haut... Puis il va carrément avoir deux personnes là, puis ils sont juste debout, un en face de l'autre, ou couchés un par-dessus l'autre. Puis ils jasent, puis des fois... Et tu vois pas qu'est-ce qui se passe d'Intel, mais tu vois quelque chose de weird qui se passe. Ils se parlent en privé. Ils se parlent en privé, puis c'est de la vraie amour, là. Puis il y a des affaires, là. Hey, j'ai vu des gars, là. Moi, je fais du PVP où ce que je me bats dans des battlegrounds, mais des fois, tu vas voir des Corels? Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Des Corels. Pis t'as deux guilds qui sont en crise contre une et l'autre, pis là, ils vont se rencontrer dans le Stormin, pis ils vont pas faire un duel où ce qu'ils se battent. Ils vont carrément dire, OK. Ils vont débattre I swing with my sword and hit you in the neck. Okay, là, l'autre, ils vont jouer le dragon sur WoW, genre. Ben, c'est ça, mais un en face de l'autre, là, pis moi, je suis là avec mon gros marteau aussi, je vais te tuer tout de suite, Va t'acheter les livres pis joue en vrai. Moi, c'était comme mon fun à WoW vers la fin, j'étais tout seul, souvent, j'avais pas vraiment de guild. Fait que, genre, je me faisais joiner un de mes chums qui est arrivé par après que j'avais convaincu de rejouer avec moi. Lui, il avait une guild à lui tout seul. Fait qu'il m'a dit, viens avec moi, puis on va s'échanger plein de stocks. Fait que là, moi, je joinais une guild, je piquais tout le stock, je remplissais mon inventaire, puis je le donnais dans la sienne. Fait qu'on vidait des guilds. C'était mon fun, raider. Mais son, et puis en estime aux guilds autorisées, les... Puis officiellement, la personne la plus détestable dans les jeux. Je sais. Merci de la en tout cas, ça a changé depuis parce que moi, tu peux plus, à moins que tu sois autorisé, et c'est très peu de monde qui sont autorisés à aller dans les banques de guild. Non, mais là, tu peux plus faire ça. Non, c'est ça, tu peux plus faire ça. OK. Ce qui est intéressant. J'ai joué à WoW avec ma femme. C'est ça. Puis on s'est amusé, puis on est déjà rendu niveau 85 chaque. Si, bon. En combien de temps, c'est pas 3 semaines et demie, mais c'est à cause de mon autre. J'ai fait un Recruit a Friend, tu fais du XP de fou, puis elle a pas pu créer un autre personnage. Le Recruit a Friend, tu commences à 85. Non, Recruit a Friend, t'as le Scroll of Resurrection, où ce que tu peux faire en 80, mais elle, j'ai fait un Recruiter Friend où je l'ai invité à WoW, puis à cause de ça, quand elle joue avec moi, on a comme triple XP. Ah ouais. Puis tu fais un donjon, puis t'as 3 niveaux, là. T'sais, puis on s'est amusé à faire ça toute la semaine, à boire, puis à faire des donjons, puis à envoyer chez du monde, puis je me suis bien amusé avec ça. C'est un beau cadeau de Noël que ma femme est retournée là-dedans. C'est cool, ça, pareil, tu sais. Puis le trip de pouvoir partager cette passion-là ensemble, c'est vraiment le fun, ça, Joe. Elle me montre que je vais jamais faire de profession dans WoW, mais elle va toujours être la meilleure à faire des professions dans WoW. Mais à la limite, regarde, c'est pas grave. Chacun, vous avez votre fun à notre manière. Chacun spécialité. Et vous êtes pas en train de vous chialer après parce que, non, je vais saver dans pas long. Non, je quitte dans pas long. Puis y a pas de problème. Je m'en viens me coucher. Ça, c'est le fun, ça, pareil. Tu veux même pas savoir les chicanes qui se passent dans WoW. C'est ça vous arrive-tu le j'attends juste que l'animation finisse pour pouvoir saver, je peux pas peser, ça veut pas skipper. C'est quel exemple que j'ai trop d'exemples, mais elle a chiale parce que je prends mon temps. Fait que je vais avoir un cadre qui va venir, puis là il y a un gars qui me fait chier, je vais commencer à l'envoyer chier, puis là j'ai les envoie chier. Comme l'autre jour on jouait, puis là on était avec des Brésiliens, puis il était super gossant, puis poche, puis il arrêtait pas de dire calm down. Si Mel a compris le jeu, là tu peux être un healer, mais le gars il quand il avait plus de mana, il mangeait pas pour la mana, il se tenait debout, puis il attendait que son mana monte. Comme un esti d'épée, genre, puis tout en train de tanker, puis tu fais tuer comme une pute. Mais là c'était un kiss de cave, puis là il est là, puis il dit sorry we're Brazilian, puis là moi je fais juste répondre no one's perfect now fucking heal me. Fait que ça, c'était votre jeu de l'année, ça. Ouais. Non, mais c'est mon jeu de la décennie, là. Ça, c'est tout un autre sujet, là. Okay. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, avant qu'on manque d'électricité, tout le monde avait parlé, puis c'était rendu à moi, puis je filais triste. Mais non, j'avais pas parlé de mes jeux. Vous avez parlé de tes jeux, toi. Oui, t'avais parlé de tes jeux. Oh oui, vous aviez parlé de vos jeux. De long en large. Oui! De A à Z! Je pense que... Trop de pandas. Mis à part mon intervention de médias sociaux la dernière fois, je pense que c'est comme une des grandes premières. J'ai oublié, ben oui. On a gagné. Ben en fait, c'était votre jeu de l'année. Ben, vous aviez pas gagné encore. J'avais dit l'arcade gaming. Ben en fait, Milton avait parlé d'arcade gaming, puis vous aviez parlé d'autres choses. Arcade gaming? On avait gagné parce que nous, t'avais dit un jeu différent. Mais moi, j'avais pas parlé sur mon jeu encore. Puis c'est là que je vais en venir. Vous deux, vous aviez un jeu différent, puis on avait deux mêmes jeux, fait que c'est nous qui avions gagné. Mais non, mais en fait, j'avais pas parlé de mes jeux, moi. Non, on avait tout le monde l'avait fait sauf moi. Non, mais même si tu parlais de ton jeu, c'est pas le même jeu que Milter. Ben non, mais je peux dire l'arcade gaming. Comment ça qu'il n'y a pas parlé d'eux, mais on avait décidé c'était quoi le jeu de l'année? Non, vous n'aviez pas décidé, ça avait coupé l'électricité. C'est le pire de non, non, non. Ben écoute, avec mes deux écoutes d'aujourd'hui, de l'épisode 7, pour me préparer. Que mon vote était acheté. Oui, ben ça a coupé là-dessus. Ok, vas-y, là. Premièrement. C'est le vote acheté. Donc, ça a coupé sur le vote acheté d'Eric, mais. Mes catégories, dans le fond, pour jeu de l'année. OK. Dans le fond, peu importe ce que je vais dire, ça a l'air World of Warcraft va gagner. Fait que je vais me gâter puis je vais pouvoir parler sur mon podcast, dans le fond. Ce que je ne fais rarement. Donc, mes runner-up cette année, donc mes candidats, j'avais mis Borderlands 2. Ah, j'ai même pas parlé. Borderlands 2, on n'a pas parlé. On a parlé au premier épisode, là, aussi. S'il y a un jeu, honnêtement, que j'ai passé des heures dessus, j'ai eu du fun. J'ai eu du fun avec bien du monde en plus. L'histoire était vraiment cool. C'est drôle. Hey, t'as une mission, je m'en rappelle. Je joue avec trois de mes chums. On s'en va livrer de la pizza d'un égout. J'étais là. Quoi? T'étais là. J'étais là avec vous autres. Mais j'ai jamais joué à Borderlands. Tu livres la pizza. C'est Warcraft avec, c'est World of Warcraft avec des guns. Ouais, mais tu livres la pizza. Ben écoute, il y avait une mission. C'est un easter egg. Regarde ça. C'est une mission où faut que t'ailles livrer de la pizza d'un égo. Tu rentres là-dedans, puis tu te bats contre un premier gars qui s'appelle Dan, un autre gars qui s'appelait... Ben, en tout cas, il y avait tous des noms de Ninja Turtle un peu. OK. Fait que là, on se bat contre eux autres. Je fais, hey, c'est cool, c'est une référence au Ninja Turtle. Puis on arrive dans une pièce, puis t'as une télé, une valve, puis une autre affaire. Je dis, tape, il y a de quoi qui se passe ici, là. Fait que là, les quatre, on se met à côté de notre affaire. Puis au lieu de chercher logiquement, on y va tout en pesant ses pitons comme une gang de caves jusqu'à temps que ça fasse de quoi. Puis à un moment donné, ça fait quelque chose, puis un genre de pouilleux qui tombe du plafond, qui s'appelle... ben, c'était Splinter, dans le fond, là, regarde. Fait que tu sais, grosse référence au Ninja Turtle, sac une volée, punk du loot. Il y a plein d'easter eggs là-dedans. Il y a plein de références à d'autres choses, l'histoire a été écœurante. Un des meilleurs méchants que j'ai vu depuis longtemps aussi. On s'entend que... Oh, le méchant, Jack, méchant, là, fuck, il est drôle. Il est tellement drôle, il est tellement attachant. Tu sais, c'est comme... C'est juste le fun de voir ça. Les graphiques sont quand même vraiment le fun. C'est du gros... c'est du cel-shading. Ça donne un look de cartoon. Look, là, de mature. Il y a X nombre de possibilités de guns, d'habilités, des choses comme ça. Ça marche vraiment bien. Ça, c'est dans mes candidats de cette année. C'était un beau jeu. Je suis content que comme il était une bonne mémoire, ça donne comme c'est la seule fois qu'on a joué. Puis c'était vraiment du fun, cette journée-là. Mais le pire, c'est que c'est des moments de même que j'aime. T'sais, t'as du monde qui vont se rappeler de la fin du jeu. T'as du monde qui vont se rappeler comme le meilleur gun qu'ils ont pas eu. Moi, c'est les moments que je passe avec le monde. J'ai pas été completionniste, là, comme completionniste, là, j'ai pas été le fou de tout. Je l'ai pas tout fini à 100% non plus. J'ai 15 ans. Je l'ai même pas fini encore, ce jeu-là. Mais il est dans mes candidats. On jouera encore, on jouera ensemble parce que j'aime ça le faire avec du monde. Ben, regarde, on va embarquer. Non, en fait, je pense que. Fucking noob. Il y a plus beaucoup de jeux que je finis maintenant. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps à définir en fou. J'aimerais tellement ça, là. Mais en fait, c'est parce qu'on prend plus le temps. On prend notre temps sur d'autres choses. Soit ça va être des amis, des amis, de la bière, des ci, des ça. Parce que la bière, ça prend du temps. J'ai zéro platinum dans PS3, moi. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont des platinums, mais moi, j'ai zéro platinum dans PS3 parce qu'il marche pas mon PS3. Combien t'as de jeux à 100%, là, les 1000 sur 1000 au Xbox? Je dois avoir 150 jeux qui sont à 30% moyenne. Il y en a aucun que, c'est ça. Moi, je pense que j'ai 5, justement, ou 6 que j'ai à 1000 points sur 1000 points, là, fait que... Mais c'est quand je finis un jeu que je vois que j'ai même pas fait 25% des trophées. Non, là, c'est d'autres choses. Fuck you, là. Mais le pire, c'est que moi, ça me dérange même pas. Si j'ai eu du fun, ça j'ai fait de l'histoire, j'ai trippé puis je l'ai fini, je le mets dans la bibliothèque, puis il arrive à un point tel où je vais juste faire comme, je vais-tu vraiment rejouer? Puis si je vais rejouer, c'est con à dire, mais selon moi, si un jeu est encore dans ma bibliothèque après que je l'ai fini, plus que 3 mois, c'est un privilège, parce que sans ça, je l'aurais retradé tout de suite. J'aurais échangé. Pas boy, j'ai et je m'en aurais débarrassé. J'étais rendu à 150 jeux d'Xbox 360 avant que. Non, moi, je peux pas trader. Que je décide non, de les vendre. Un autre de mes candidats. Puis là, je l'ai vendu plein, excuse, puis il m'en reste 60. Wow. OK. Fait t'en as quand même pas mal. OK, il y en a à ma blonde là-dedans que je touche pas, puis aux enfants, là, mais en général. Là, ben, c'est correct, ça, pareil. Puis je me sens mal. Tu sais, on dirait que vu que j'ai un. Tu sais, je vais pas aller vendre les autres. Tu sais, je sais pas comment dire ça, là. C'est comme, t'as la trilogie, je vais le garder. Mais ça, les trilogies, je les conserve, moi. C'est comme d'autres choses, là. Fait que, tu sais, t'es là, je sais pas. Je viens récemment d'aller vendre tous mes vieux Call of Duty, là, tu sais. Parce que j'ai fait comme fuck off, c'est tout le temps le même jeu, exemple, là. Fait que. Mais anyways, les Call of Duty, le pire, c'est que ça donne tellement jamais rien parce qu'il y a tellement de monde qui les échange. Fait que, tu sais, t'es tous bien les conserver, puis juste au pire, t'as reclaqué une game une fois de temps en temps. C'est comme le gars qui arrive avec son NHL. 2009, comme, ah, c'est juste une pièce et demie. Une pièce et demie, t'es généreux, là. Considère-toi chanceux. Fait qu'un autre candidat. Un autre candidat que moi, qui j'ai été un gros fan, OK? Pandaria, mais go. Ben, en fait, ça dépend pour qui. Pour moi, regarde, en 1994. Est-ce qu'on s'en va avec ça? Oh, shit. Je jouais à un jeu d'ordi qui m'a fait capoter. Parce que d'un, je jouais vraiment pas comme faux. C'est ça? Ce jeu-là, j'ai pas compris comment il jouait avant que... Non. Ah, non. Okay. XCOM. XCOM. En quelle année? XCOM. J'étais pas sûr entre ça pis les jeux sous la rue. C'était un des deux. C'est une bonne réponse, par exemple. XCOM, c'était UFO Defense, je pense, le premier. C'est ça. Pis là, le remake, en tout cas, c'est Enemy Unknown qui ont refait. Honnêtement, c'est un genre de roll turn by turn. Ben, c'est un shooter, un peu turn by turn, j'ai compris. Gestion de ressources, gestion de personnel. C'est comme un genre, prends Civilization. Ah, c'est un Warcraft, genre? Ouais, non, non, non, non, turn-based, par exemple. SWAT. Final Fantasy Tactics. SWAT, le vieux Sierra, le SWAT. Mais comment? Oh my god, là, tu vas loin en crise. Ah, ben, c'était ça. Que SWAT est allé third person. Ah, ici, par après. Mais comment? Oh my god, tu vas loin en crise. Ah, c'est ça mes références. Comment ils ont réussi à conserver l'esprit puis l'ambiance du jeu, c'est ça qui me fait capoter, c'est que ça, c'est un remake, mais qui a vraiment qui bien fait, été fait. Star? Ça, c'était... j'ai Atlus dans la tête, mais non, je sais que c'est pas eux autres. Là. Hey, puis je me souviens même pas c'est qui. Mais... XCOM, Eric, c'est... c'est qui ben qui a fait avant, ça? XCOM, si je me trompe pas, c'était pas... Je me souviens pas c'est qui, qui l'a fait. Là, que... Ben, je me souviens pas, regarde, quel studio, mais honnêtement, regarde, c'est juste que XCOM... Attends, c'est... De Montréal, en plus. Ça a été fait à Montréal, je veux. C'est cool, ça. Jagged Alliance, pis cette gang-là. En tout cas, regarde, c'est rare qu'un remake va conserver la même ambiance que le jeu d'origine. Mais c'est-tu la même histoire? C'est la même histoire. C'est une suite ou un remake en mieux fait? Mais c'est un remake en mieux fait, mais qui conserve vraiment une super de bonne ambiance. Là. Puis j'ai trippé solide là-dessus. Parce que je vais être franc avec toi, tu m'en avais parlé, ben t'avais parlé de ça dans, je pense, c'est l'épisode de Noël ou quelque chose de même. Ben vite. Oui, on avait parlé. J'étais comme curieux un soir, ça m'a popé dans la tête, j'étais allé YouTuber, genre de review un peu. Puis ça m'a donné le goût, genre. J'ai vu quoi ça a c'est de l'air. Fun. Je trouvais que ça avait de l'air intéressant, mais je le sais aussi, c'est plate à dire. Que le jeu va sûrement baisser vite puis que tu vas le retrouver à 39-20$. Mais c'est sûr que ça baisse vite, mais la majorité des jeux baissent vite maintenant. Ben, il y a ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que je vais le trouver puis je vais pouvoir l'acheter moins cher pour... D'un, je pensais que c'était Strategy First pour une seconde, mais c'est pas Strategy First, c'était Microprose. Ben, c'est ça, l'original c'était Microprose, mais là maintenant c'est un autre studio par exemple. Ouais, non, là c'est Firaxis en fait. Firaxis, ah c'est ça. C'est la gang de... Ça avait de l'air bon. Ce que je trouve dommage dans des cas comme ça, c'est justement, c'est que, tu sais, tu dis ce jeu-là va baisser, là, mais un studio qui fait un jeu que tu peux rejouer tellement de fois, XCOM tu peux le refaire X nombre de fois... Pis c'est pas pareil. Ben, en fait, c'est que. C'est similaire. Ça va être similaire. Pis ils ont même mis un mode là-dedans que j'ai aimé, c'est le Iron Man. C'est que là, tu peux pas avoir 8 save games. Tu peux pas avoir 8 sauvegardes, pis, ben, tel bonhomme est mort, je reload. Ah, mais là, j'ai pas fait telle bonne recherche, je reload. C'est one shot. Lui, il meurt, c'est permanent. Ouais. Pis là, à ce moment-là, tu recommences, pis ça, c'est un vrai défi, là, pareil. D'autres détails, vite fait, c'est Sid Meier's. Ouais. Il était dans Microprose. Exactement. Il était qui pour faire le XCOM original. Ouais. Puis Firaxis, c'est sa nouvelle compagnie. Exactement. Puis regarde, c'est génial. Fait que ça, c'est mon deuxième candidat. Mon troisième candidat est arrivé pas mal tard dans l'année, par exemple. Puis il a été un petit peu négligé par les médias. Puis honnêtement, ça a été toute une expérience de jeu. Far Cry 3. J'ai même pas touché. Far Cry 3, là, ça a été un mais jeu on où... était ignoré, il a vendu en ouais, caisse. Ben il a vendu, mais les médias, ouais, ben, là, les Game of the Year, puis les affaires de même, Game of the Year, ils l'ont négligé. Ou ce que, qu'est-ce que Walking Dead a gagné, mais Far Cry est sorti trop tard, ça tu rapport. C'est peut-être parce qu'il est sorti trop tard. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Date de nomination, le cash. Mais regardez, mon expérience avec Far Cry, ça a été Far Cry 1, c'était révolutionnaire, c'était génial, j'ai trippé. Far Cry 2, j'ai même pas joué, ça a passé inaperçu. By the way, Dead Walking, là, c'est quoi ce... Walking Dead, non? Walking Dead, là, je te garantis que l'année prochaine, ça joue sur Spike TV. Ben oui, c'est promis. Sûr. Ben oui, c'est sûr. Il va jouer sans arrêt, c'est sûr. Fait qu'en gros, là, regarde, Far Cry 3, là, t'as du monde qui dit « Oh my God, c'est Skyrim avec des guns! » Puis non, c'est pas Skyrim avec des guns. C'est un shooter qui est à de plateforme ouverte, tu te promènes, tu fais des missions, des choses comme ça, mais... Le niveau d'immersion que tu pognes à un moment donné dans le jeu, là, c'est génial, OK? L'histoire est folle. Le déroulement est bien. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est rare à un moment donné où j'entendais le nom du personnage dans le jeu, puis ça me ressortait. C'est moi, dans ma tête, là, c'était pas Jake. C'est ça son nom, je me souviens plus. Tu vois, regarde, je me rappelle même pas. C'était plus André, c'était Jake. C'était plus André, c'était Jake. Puis là, je faisais comme, oh, non, t'as peur. Hey, c'est moi. Puis, ah, oh, ouais, c'est vrai. Pareil que tu prends bien des pilules puis des affaires dans le jeu, genre. Là, pas nécessairement. Le... Tu te shootes, dans le fond, c'est que tu vas un te faire des mix d'herbes. Tu te shootes. C'est des seringues. Okay. Fait que tu t'injectes des choses dans une vidéo. Non, les seringues, c'est comme dans Battlefield. Ouais. Battlefield. Mais les herbes, man. C'est comme dans Resident Evil. Les herbes, oui, mais Battlefield, il y avait rien de plus drôle que tu joues ça en ligne, là, every now and then, t'es là, pis oh, je suis en train de mourir. Là, tu vois le gars qui sort la grosse aiguille, ouais. Tac, dans le bras, t'es comme, what the fuck? Ouais. Mais ça, là, l'histoire était excellente, les graphiques, c'était fou, le gameplay était le fun, là, t'as du monde qui vont dire, l'intelligence artificielle était pourrite, pis blablabla. Bla, bla, bla, bla. Mais ça, là, regarde, à la limite. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Fuck ce jeu-là, man. Non, mais augmente le niveau de difficulté. Là, on va régler quelque chose aussi. Moi, un affaire qui me tue en 2012 et en 2013 maintenant d'entendre, c'est « Ah, oh, ce jeu-là, il est bien trop facile. » Ben, écoute, le SMAT, quand tu commences ton jeu... Là, ça, y a-tu un... Non, il y a des passes qui sont rough, mais c'est parce que si c'est trop facile pour toi, arrête de jouer à Easy puis à Normal. Mets-les à Hard, mets-les à Hardcore, puis après ça, arrête de broyer. Ce jeu-là, il est facile. Je l'ai fini en 4 heures. Ouais. On s'entend-tu que quand ça fait 10 ans que tu joues des shooters... C'est normal que ça devienne facile. Ben, même là, Far Cry, j'aurais de la misère à croire que ça dure au-dessus de 20 heures juste à cause de... J'ai joué aux deux, là. Ouais. Puis j'ai arrêté parce que j'étais plus capable tellement que c'était immense puis qu'il y avait encore plein d'affaires à faire. Pis, ben regarde, je l'ai pas fini au complet parce que j'ai fait la quête principale, j'ai fait l'histoire, les choses comme ça, mais j'ai pas fait toutes les autres missions. Ben, une des tours. Ouais, moi, je suis le genre de gars qui avant d'avancer dans la main quest, là, dans tous les jeux que je joue, je fais comme toutes les side quests possibles. Puis là, des fois, tu sais, il y a certains jeux qui te bloquent, genre, on va dire, là, tu sais, comme, non, faut que tu fasses la mission 2 du main quest, là, pour débloquer les autres prochains niveaux. Fait que là, bon, OK, je fais la mission. Oh, OK, je refais toutes les side quests qui viennent d'apparaître jusqu'à temps. Comme ça, j'arrive à la fin, là, puis je suis vraiment, genre, à 97%, je vais faire la dernière mission. Boum, 100%. Mais le pire, c'est que, tu sais, moi, la manière que j'ai fait comme, j'ai monté mon équipement parce que faut que tu chasses, tu trouves des pots, tu fais des choses comme ça. Puis là, ça monte, mettons, tes sacs à dos, tes supports à armes, puis des choses comme ça. Puis je l'ai fait jusqu'à un certain niveau, puis après ça, j'ai fait la quête. Mais honnêtement, Far Cry 3, ils en ont parlé pour les ventes, ils en ont parlé pour l'appréciation, puis je trouve ça plate que, juste parce qu'il est arrivé à la fin dans l'année, on l'a négligé au bout. Je peux te dire que mes médias, je sais pas si c'est... En tout cas, moi, comme Cassanien, qu'est-ce que je suis en ligne, c'est Giant Bomb... Ben moi aussi, Giant Bomb. C'est toi Giant qui m'as fait découvrir Giant Bomb. Là. Mais je suis pas ça pas tout, puis... Ça, c'était dans leur top Game of the Year, puis c'est très discuté, puis mais très débattu. Mais le reste de l'industrie prend les IGN. Ben c'est vrai que je l'ai pas vu beaucoup. Prends les Kotaku, prends les choses comme ça. Il y a pas grand monde qui en a parlé. Kotaku, là, c'est... T'es aussi bien de faire Gamer Age, là, ouais, ou mais whatever. Mais le ça dépend, là, mais le problème, c'est que Kotaku, c'est pas les éditoriaux, le Gamer Age, c'est la clientèle. Le gars, il va donner sa critique du jeu, pis t'as 100% de sa clientèle. T'es un con, t'es un clown, c'est pas vrai. Mais pourquoi vous continuez de lire le site? C'est Kotaku, des trolls. Moi, je l'aimais pas Kotaku. Moi, je le lis. Moi, je le lis pis j'aime ça, honnêtement. Pis ouvertement, j'adore Kotaku. Mais ça se peut-tu aussi que, en tant Far Cry se disent, on n'a même pas besoin de ça? Ben, on est Far Cry, là, on n'a pas besoin de se pogner plein de bannières partout pis. Je haïs pas Kotaku. Je suis jaloux. OK, dis-moi c'est pas fait. Comment ça se dit? T'aimerais ça te faire garocher des insultes. Mais non, j'aime pas. Il y a Kotaku pis Neo Gaff, là. Moi, c'est les deux places que je déteste le plus. Parce que c'est des places où, que, surtout NeoGAF. NeoGAF, là, tu peux pas avoir du plus gros élitisme en ligne de jeux vidéo. Mais ils connaissent tout. Tu peux okay, pas... Ouais. Puis même moi, là, qui ai déjà une grandiole, là, puis je me ferme pas à gueule pour ouais, rien. Mais... Puis là-bas, je suis même pas capable de dire un mot. Mais t'as une différence à te connaître des choses, puis taper sur la tête du monde qui en connaissent moins que toi. Puis je pense que c'est ça le problème avec NeoGAF, c'est ouf. Que ils prennent les gens qui en connaissent moins comme si t'as pas le droit d'avoir d'opinion, puis t'as pas le droit d'aimer ça. C'est un con, ce NeoGAF? Non. T'as-tu déjà essayé? Non. Fuck them, man. C'est la pire affaire, eux autres. Ah ouais. Hey, ils te mettent... Ils disent là que pour être approuvé pour un compte, il y a une personne qui trie ça. Et oh. Tu vas peut-être avoir une réponse. Quasiment que tu quand t'as permis de conduire, tu le renvoies, là. Ah, c'est, non, mais c'est même pas comme non, ça, c'est là. C'est, faut que tu sois quelqu'un. Faut que tu sois une personne de l'industrie, là. Ils font ça, là. Wow. Ben, écoute, on va pouvoir tester si le podcast est rendu populaire. On va essayer de s'inscrire sur NeoGAF. C'est qui? Pas Gabe Newell, mais le gars de Silicon Knights. Ouais, mais lui, il vient de faire faillite. Ouais, mais lui, dessus, il y a eu un gros meltdown. J'avoue que c'était le fun à lire, par exemple. Mais il y a eu un meltdown sur NeoGAF, lui. Meltdown. Ok, fait que Far Cry 3. Puis, Eric, ça te surprendra probablement pas. Ben, en fait. Mr. Pandaria pour le troisième vote! Yeah! Non, mais moi, il y en a t'as un. Joué? Ben, non, j'ai pas joué. Ok, game. Mais, non, mais il y en a un qu'on a négligé. Il m'en reste deux, dans le fond, à parler. Black Knight? Non. En fait, il y en a un, là, qu'il a fait un très gros boom médiatique cette année. Dust? Non. Parce que Dust. Dude. Ok. Le premier jeu de l'histoire où les fans ont envoyé des cupcakes. Hein? What the fuck? Quoi? J'ai un blanc. Ils ont envoyé des cupcakes à qui? Au gars qui a fait le jeu? Ou... Casey Hudson. Hein? Je sais même pas c'est qui. My God, j'ai un blanc, là. Casey Hudson? Anyways. C'est genre de marketing à la Addict Jam. Il a envoyé des cupcakes parce que il a envoyé des cupcakes, puis là, je ferai pas de spoiler, je vais pas embarquer dans les détails, mais. Dire sur le 24 heures en train de dire un album choc. Il a envoyé des cupcakes parce qu'il y avait trois fins. Portal 2, je sais même pas de quoi tu parles. Trois fins, attends. Trois. Oh my God. Je peux te dire que j'étais sur du oxycoton avec une cheville pétée pendant mon période de chanceux. Honnêtement, là, moi j'ai vu les trois. Hey, je me suis pété à la cheville puis j'étais pris assis sur le cul pendant trois mois. J'aurais été content de jouer au l'oxycoton, c'est drôle parce que juste tu te verres de même là. Mettons que mon chum en prescrit, les pharmacies trois quarts du temps l'appellent pour savoir si c'est bien vrai. Parce qu'il y a tellement de sûr. Trafic de psychoton, pis c'est tellement addictif. Ah, oh, c'est tellement bon, c'était le meilleur deux semaines c'est dans longtemps. Bon, incroyable. Meilleur. Puis okay, ça, t'as trouvé Mass Effect bon, dans le fond. Oui. Mais moi, dans le fond. J'ai dit Mass Effect 3 dans ma liste de 25 jeux que j'ai nommés. Ouais. Fait que. Mais regarde, moi, honnêtement, Mass Effect, c'est une histoire d'amour pour moi. Non, moi, j'ai bien aimé, moi. L'écriture de ce jeu-là, l'interactivité, les choix, les choses ligne, comme ça. En ligne, je me suis amusé avec le en ligne. Le 3, le en ligne, était génial, mais ça a tellement fait un tabac pour les fins. Puis honnêtement, j'étais quand ça a commencé à exploser sur le net, parce qu'on va le dire, ça a explosé. Ben, hey, assez vite aussi. Ils ont envoyé le lendemain que le jeu était. Ça n'avait pas fini, puis je me suis dit, je fais quoi? J'attends-tu? Oh, ben, c'est tout le temps ça, à cette heure, le jeu, il sort, le lendemain, t'as la fin. Si t'as pas la fin, laisse-moi donc au moins finir le jeu. Je n'ai pas un jeu en trois jours. C'est des forums, oublie ça. Mais le pire, c'est que j'ai pas vu de spoiler. Ça passait dans des tickers de nouvelles. Ah ouais. Bon, là, ben, aussi, le gars sur Facebook, c'est con à dire, mais Batman, quand il est sorti, le soir même, je voyais des affaires passer avec le spoilers de la fin, genre. Je le dirai pas, ouais. Je dis ça à titre d'exemple, mais tu sais. Mais en gros, même, là, pour moi, là, regarde, ça a été mon premier blackout d'Internet. J'ai fait no way, aucunement que je vais lire ça. Je vais le finir. Puis moi, je l'ai fini, puis j'ai trippé ben raide. Puis j'avais un de mes chums, FM, que lui, il avait arrêté de jouer. Puis je me rappelle d'une couple d'années, il est venu chez nous, puis j'ai dit essaye Mass Effect 1, là, il a essayé ça. Il a fait ah, oh, c'est pas payé. Ok, tu parles, il avait arrêté de jouer complètement. Il avait arrêté de jouer complètement. On travaillait ensemble là, dans notre jeune temps, dans une boutique de jeux vidéo que je nommerai pas. Puis après ça, mais lui, il avait arrêté de jouer. Il a dit ah, je suis tanné, les jeux vidéo, ça va plus. Bon, peut-être. Mais après ça, il est venu chez nous, puis je vous mens pas, là. Ouf. Il a essayé Mass Effect. Le lendemain, il est allé s'acheter un Xbox Mass Effect. Raison, puis il a joué, puis il a trippé, puis on a fait la trilogie ensemble. Puis honnêtement, après ça, on s'est rencontrés, puis j'ai fait hey, la fin, toi, c'est-tu si pire que ça? Il dit non, il dit c'est bon, c'est parfait. La fin du 3, là. La fin du 3, puis les deux, on l'a apprécié. Ben, moi, je pense, gars, je te dis de l'extérieur, ouais. Parce que j'ai essayé le 1 dans le temps avec mon coloc quand j'habitais en appartement. Lui, il a trippé ben raide. Moi, je le regardais. Le pis 2, je pense que t'aurais... Parce que le 2, j'ai même pas joué. J'ai... Ben, c'est ça, mais le 2, c'est pas pareil. Là. Okay. C'est comme... Moi, ben, c'est, ça a même pas rapport dans ce sens-là. Dans le sens que je connais rien du jeu. Puis la seule affaire que j'ai vu une vidéo là-dessus qui expliquait un peu le disappointment de tout le monde sur les trois fins, si on peut dire. Puis il disait, il mettait les trois fins un à côté de l'autre. Puis c'était comme, c'est la même affaire, sauf que des petits détails de couleurs pareil. Qui changent. Mais c'est pas pis, juste les couleurs. Je pense que le monde, qu'est-ce qu'ils ont chialé le plus en tant que gars de l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas assez de variété entre les fins. Ben, genre, pourtant, honnêtement, je les ai faites les trois. Il était pas assez avant extrême, et après. Trois, ouais, mais ça n'a pas besoin d'être pas aussi, là, je m'excuse, là, pis pendant ce temps-là, Walking Dead fucking gagne les meilleurs awards. Non, mais c'est ça. J'approuve pas ce choix-là. J'étais un fan de Walking Dead. Mais le jeu, là, je veux dire, on s'entend-tu, là, que les fins, ils changent comme pas en tout, là. Non, mais gars, c'était bien. Toutes les vidéos sont pareilles, c'est juste quand tu payes sur le piton, la réaction. Mais en gros, c'est ça. Fait que Mass Effect, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un bon jeu. Mais c'est pas mon jeu de 2012. Mon jeu de 2012, j'y joue encore, là. C'est con à dire, là. Daisy. C'est Daisy, pour moi. Hey, là. Daisy. Mel, elle va être fou, là. Là, c'est assez. Non, mais Daisy, pour moi, c'est... C'est beau. D'un, c'est un ajout gratuit d'un jeu qui existe depuis 2009. Ben, le jeu existe depuis 2009. Tu payes 30$ pour l'avoir. Mais en fait, il est tout le temps en vente. Ils veulent jouer juste à... Ouais, mais il est tout le temps en vente à 15-16$, des choses comme ça. Puis, il a augmenté à 30$. Moi, je l'ai payé très haut, en tout cas. Mais l'important là-dedans, là, c'est que pour moi, là, c'est y a pas d'histoire. Ouais. Il est dur. C'est peut-être pas le jeu le plus facile d'installation non plus. Mais par contre... Mais il est pas encore fini à 100%. Il est pas fini. C'est un alpha. Il est plus bêta, mais il est alpha. Mais... Puis je peux te dire qu'il y a plein d'histoires. Ben, ouais, mais c'est ça. Mais chaque partie est une histoire différente. Puis le fun qu'on peut avoir à jouer à Daisy, il y en a plusieurs personnes avec qui jouent cette partie. Non, mais exactement. C'est ton histoire. C'est ça. Tu sais, regarde, puis c'est des moments, là, regarde, on a joué, là, c'était cette semaine. Un moment donné, on trouve un Jeep, on embarque dedans, là, on débarque du Jeep, on essaye de trouver des guns, des affaires de main, de la bouffe, pendant que le gars, il tourne en rond avec le Jeep, puis il klaxonne pour que les zombies courent après pour attirer l'attention. Pour rien, c'est malade. Rabac dans le Jeep, part à l'autre bout. C'est que chaque partie, ils ont trouvé un moyen, là, sans te mettre d'histoire, cool. Rien, c'est d'aller le chercher, le sentiment de... Tu joues, partage, puis tu te sens, d'entraide, tu te sens menacé. Un moment donné, tu te sens à l'aise, puis là, ils vont te mettre un élément perturbateur. Ton élément perturbateur, ça va être les zombies, ça va être le manque de bouffe. Ça va peut-être être un autre joueur que lui, il décide, moi, je tue le monde, puis je leur pique leur stock. Puis cet élément-là fait qu'il y a une communauté tellement forte de Daisy présentement. Les gens sont dédiés. Il y a un des créateurs du jeu qui s'est fait arrêter pour je sais pas trop quoi, qui est en prison, puis qui écrit sur les level design, dans le fond, son équipe, pour qu'il continue. Il est en prison, le gars. Il y en a un qui s'est fait arrêter, je pense que c'est en Grèce ou quelque chose comme ça. Puis il est en dedans, puis il écrit des feuilles. Non, mais puis... c'est un gars de Arma, en plus. Oui, oui, exactement. C'est... Puis il s'est fait arrêter pour de l'espionnage. Ah, j'ai Qui s'est fait arrêter pour de l'espionnage? Parce qu'il est là à te poser des questions, c'est fusible, que la réalité ben, de Arma 3 soit là aussi, parce qu'Arma 3 s'en vient. Exactement. Oui, c'est pour de l'espionnage. Puis il est en dedans. Fait que là, ben ok, pas de trouble, mais c'est le genre de jeu que Arma, à la base, est tellement fidèle, pis tellement embarquant pour les fans, embarquant, j'invente des mots, mais c'est, correct, moi, c'est le fun, regarde, ça me fait triper de jouer à ça, pis c'est la communauté qui me fait capoter, pis selon moi, c'est mon jeu 2012, parce que c'est nouveau, pis c'est tellement minimaliste quand tu y penses, y a pas d'histoire, y a pas rien, mais l'histoire est créée par les joueurs, pis c'est pas... un écrivain fancy, c'est pas Assassin's Creed, c'est pas World of Warcraft, c'est pas Mass Effect, c'est pas rien, c'est toi qui te crée ton histoire. C'est un peu, je veux pas dire la vraie vie, là, mais tu sais, c'est genre, c'est tu te lèves demain matin pis y a des zombies, ben, t'arrives dans le jeu, tu te lèves, tu sais même pas pourquoi, personne va jamais probablement le savoir pourquoi, mais... Regarde, tu rencontres un autre joueur pis t'arrives face à face pis les deux, vous levez votre gun, y'a-tu des balles? Y'a peut-être plus de balles. Moi, j'ai-tu des balles? Je veux-tu le tuer? Je veux-tu vraiment le tuer pour voler sa bouffe? Peut-être que lui veut me tuer pour voler ma bouffe. Ah, je devrais y parler. Je devrais-tu pas y parler? Je vais peut-être juste m'en aller. Y'a tellement de possibilités pis c'est ça qui fait que pour moi, 2012, Daisy est sorti du lot. Pis c'est même pas un jeu complet, là. Mais c'est mon jeu 2012. J'ai hâte qu'il soit complet, par exemple. Parce que les deux fois ou trois fois que j'ai joué, j'ai aimé. Sauf, peut-être que j'ai pas été chanceux trop, là. Mais ça aurait pu être mieux, je te dirais, là. Mais non, mais c'est toujours qu'est-ce que c'est. Faut que tu le prennes. Ouais, ben c'est ça. Parce que je le sais aussi que, tu sais, il y a pas d'histoire. C'est moi qui en fais qu'est-ce que je veux. Puis comme je dis, j'ai peut-être été juste mal chanceux. Mais je veux tellement jouer parce que c'est le jeu que j'attends depuis longtemps. Tu sais, un free, tu sais, c'est je sais pas comment dire ça, là, mais c'est un, comme un petit rêve que j'aimerais ça qu'il soit, tu sais, tellement peaufiné, mieux, là, ce jeu-là, avec les contrôles, exemple de Saints Row, Grand Theft Auto, peut-être pas le meilleur exemple, là, mais tu sais, plus, vu que c'est un third person. J'ai pas le choix de boucler à le jeu de l'année officielle de Geek Collective, ouais, qui est World of Warcraft. Mais, c'est parce que tu peux pas penser... de jouer plus à des... Non, mais c'est parce que, puis j'en avais parlé, là, une émission ou deux, là, mais quand ils ont fait l'invasion de zombies dans World of Warcraft, ouais, c'était ce genre, ils ont fait ce genre de incertitude psycho, comme que tu expliques. Mais à 15 piastres par mois. Non seulement à 15 piastres par mois, mais le monde, parce qu'imagine un monde à 15 piastres par mois, ça fait 6 ans que les gens y jouent. Puis là, d'un coup, ils ont juste crissé cette formule-là dedans live. Puis boum. Ouais, mais attends, c'est 15 piastres par mois, mais faut avouer, ils font une Christy bonne job. Non, mais on va pas s'assiner là-dessus. Non, mais c'est André qui était comme moi, mais 15 piastres par mois. Service à la clientèle, top notch, meilleur service à la clientèle que j'ai vu de ma vie. OK? Exemple, j'étais inscrit sur World of Warcraft, puis je jouais plus depuis 6 mois. Pis j'étais comme, oh fuck, est-ce que ma carte de crédit a continué à charger? Pis j'ai oublié de la déconnecter. J'ai appelé, je leur ai dit, fait que on vous le cancelle, on vous le rembourse. J'étais comme, what? Mais à 8 millions d'abonnés payants, tu t'es rabonné depuis ce temps-là. Ils sont mieux. Par après, oui. Ben, c'est ça. Mais ils m'ont remboursé. Ouais, mais je disais, moi, je me déconnecte. Je m'étais pas réabonné, là. Ah, ils ont juste vu que tu t'es pas connecté. C'est ça, ils m'ont remboursé. T'es pas bougé non plus. Il nous reste deux sujets. Il nous reste deux sujets. Deux gros sujets. Le Zombie Invasion de WoW était débile autant que DayZ. Mais regarde, je vais vous l'accorder. Dans un monde médiéval. World of Warcraft, ouais. Mist of Pandaria, yes. Gagné 2012. Mesdames et messieurs. Il y a du gros sarcasme là-dedans, les gens. On se capote chaud, pas. Considérant le temps restant. Oui. Pour les sujets restants, on va éliminer les candidats. On va y aller directement avec notre choix principal, puis on va l'expliquer. Tu peux pas faire ça. Il faut qu'on fasse ça. Parce que sans ça, on va être obligé d'étirer en trois épisodes. Whatever. Donc, qui veut se lancer en premier? Son film 2012. Moi, je vais me lancer en premier, puis je vais juste parce que je vais aller complètement différent de ce que les gens y pensent, parce qu'on peut pas parler des autres, mais je me dis au moins que quelqu'un va parler. Pas du porn encore. Mais mon choix. Non. Il y a eu du bon porn cette année. Pas du tentacle porn encore. Il y a eu du très bon porn. C'est mon préféré. L'Université de Montréal, ils ont fait un genre de recherche pour voir combien d'hommes ils font du porn. Puis à cause qu'ils n'ont pas pu trouver de candidats. Font du porn ou regardent du porn? Regardent du porn. OK. Excuse. Je suis le pourcentage est très différent. Mais à cause qu'ils n'ont pas pu trouver des candidats qui peuvent dire qu'ils ne regardent pas de porn, ils ont dû assumer que tous les hommes écoutent du porn. Ben, c'est correct, ça. Ben, c'est pas mal accurate. OK, ben en tout cas, c'est pas le porn, c'est pas mon numéro 1. Donc, ton film. Mon film, ça va être Life of Pi. Okay. Number one. Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Le truc ça est quoi, le tigre sur le bateau avec l'hindou. Avec le tigre sur le bateau. Puis l'évolution de ça. Mais ça va l'air cool. Puis on peut-tu remplacer le mot bateau par genre chaloupe ou ouais, non, c'est un live boat. C'est un dive boat mais bateau mais de sauvetage. Basé sur le livre de Yann Martel, un Québécois. Beaucoup d'histoires se passent à Montréal aussi, l'histoire qui explique se fait raconter fait dans c'est un vieux port à l'entour de McGill. Mais pas McGill, tout ce que je peux dire à tout le monde qui ont vu Life of Pi, puis tout le monde qui prenne le temps de l'écouter, puis tout le monde qui ont juste l'image du gars du tigre sur le bateau. Non, c'est plus que ça. Alors regardez le film là, puis le tigre là. Ben on s'entend-tu qu'ils ont juste créature. Montré ça. Je sais pas si c'est ça le film. Là, mais ça l'est ça le film. Parce que moi, en voyant le trailer, j'ai l'impression que c'est 2h15 d'un hindou sur un canot avec un tigre. Mais... Puis attends de voir comment est-ce que ce film-là boucle. Et tous les films comme The Hobbit que j'ai bien aimé, que Django Unchained que j'ai bien aimé. Je vais arrêter. On prononce pas le J dans Django. Django. C'est Django. Django Unchained. En tout cas, tout ça pour dire que si tu vois Life of Pi et tu vois cette histoire-là bouclée, tu vas vraiment, tu peux pas nier que c'est une expérience cinématographique incroyable. Et ouais. Même le voir en 3D, que si on peut comparer des films 3D que j'ai aimé comme Dread, tu sais, je suis rendu à 4 films nommés, pas pire. Oh. C'est très subtil, ta chose. Ben, quand ça vient au 3D, Life of Pi, c'est très bon pour ça, mais l'histoire est incroyable, ça, c'est mon choix, puis je sais que personne va le choisir, mais j'espère que vous allez le voir, m'en parler après. J'ai pas vu encore. Moi, honnêtement, je vais le voir, mais ces genres de films-là, j'ai remarqué que je trouve que c'est une expérience beaucoup plus personnelle, puis je les écoute à la maison. Ouais, moi aussi. Ouais. Non, mais tu sais quoi, j'adore le cinéma, puis j'adore le grand écran, mais il y a toujours un cave dans la salle où des jeunes qui catchent pas le film, puis qui qui pitche du popcorn, qui rouvre son fucking sac de M&M d'un moment où il faut pas. OK, mais en tout cas, fine. Puis, mais j'adore des films comme ça, honnêtement, puis je te comprends de dire que j'ai c'est écouté Tree of Life au AMC avec des bancs qui craquaient. Mets-toi à ma place. Ouais. Là, c'était, je sais, c'est mais quoi, c'est juste parce que, v'là une couple d'années, j'ai eu une expérience où le premier Seigneur des Anneaux, j'ai écouté ça dans une salle à 10h30, puis j'étais tout seul dans la salle. Ben, oui, mais pareil, check ça, OK? Ce film-là, je suis tout seul dans la salle. Ça, c'est nice. Fait que c'est sûr que t'as tout le son, t'as pas personne qui te dérange, t'as pas rien, puis j'ai pas pu recréer ce moment-là avec des films de même. Fait qu'on dirait que les films un peu plus individuels, un peu plus réfléchis, je les écoute à maison. Fait que je sais que je vais être dans l'ambiance où j'aurais pas quelqu'un que je vais voir étranglé. Je vais avoir la paix. Tu veux je pense que ce film-là, c'est un film à réflexion. Ben c'est ça. Fait que tu, non, mais tu c'est peux... un film à réflexion, mais autant que c'est un film à réflexion, j'en parlais, j'ai un de mes bons chums qui trippe film avec moi, puis on en jasait. Puis lui, il est allé voir au cinéma, puis il a pris le temps là, de m'écrire un email, ben un email, un message sur Facebook de nos jours, pour m'expliquer comment est-ce que ce film-là, ça lui rappelait de ses expériences cinématographiques qu'il a eues quand il était enfant. C'est cool. Puis nous, on est fans, tu parles des années de film, mais tu sais, comme la meilleure année de film dans mon univers, à mon âge, c'est 1985. Puis, ouais. Puis 85, c'est très dur. T'as peut-être pas né, mais pour moi, c'était l'âge où j'avais genre 7-8 ans. Mais t'as probablement vu plein de films de cette J'avais 7 ans, puis j'ai vu le plus de films dans ma vie au L'enfant début, sacré du Tibet, name drop, de film, nowhere. Mais c'est Back to the Future. C'est 85, ça? Je sais pas, mais Back to the Future, il est là-dedans, Thunderdome. Tout ça pour dire que Life of Pi, c'était excellent. Puis lui, il me dit que ça le rappelait de quand il était jeune. Puis quand tu voyais un film, t'allais « wow ». Puis ça a valu la peine pour ça au cinéma parce que c'est un beau film. Ouais. Si tu veux vivre l'expérience personnelle, go for it. Fais sûr de regarder sur une grosse télé. Mais chez vous. Puis avec un bon système de son parce que c'est quand même un film qui est très plaisant à l'œil. Mais l'histoire est vraiment cool. Puis moi j'avais. En tout cas, c'est mon choix. Ben merci Eric. Mélanie? Ah, oh, je vais juste te dire de quoi. Hein, juste tu as vu Lord of the Ring 1 tout seul dans une salle de cinéma? Non, parce que je travaillais plus dans ce moi, ça m'est arrivé une fois de voir un film que j'étais tout seul, puis c'était À la conquête du dragon d'or avec Jean-Claude Van Damme. Oh, bah, boy. Boy, mais j'étais allé là, j'étais tout seul. C'est pas The comme... Quest, ça? Ouais, je pense que c'est ça. The Quest, written and directed j'étais allé par Jean-Claude voir français. Van Damme. Ah, c'était écrit en plus par lui. Écrit, réalisé là, maintenant, et je comprends binge ending. Pourquoi j'étais tout seul dans la salle. C'était nouveau, en plus, j'étais là, comme Chris, il y a personne d'autre. Tu moi qui est pas en bonheur, ils vont laisser entrer. J'étais tout seul. Fait que je me dis, t'es chanceux d'avoir eu ben, c'est déjà pour ça Lord dit. Of the Ring, que je suis pas un fan de fantastique médiéval, comme tu sais, là. Ouais. C'est déjà un meilleur film que l'ambiance. Ben, c'est ça, tu sais. Puis moi, je réfléchissais à Jean-Claude Van Damme dans à la conquête de Dragon d'Or. T'as réfléchi dans. J'essayais, c'était pas facile, mais c'était ma chance de film tout seul. Ben, écoute, ta chance. Ou malchance, c'est ça l'affaire. Ouais. Mélanie, ton film 2012? Je vais aller avec Django. Pas de spoiler, si t'as j'en ai déjà eu assez tantôt. Django, c'est un J muet. C'est Django. Django. C'est le D qui Django. Est muet. C'est le D qui est muet. C'est le J qui est muet. Ben, dans le film, il dit Django, en tout cas. Okay. Dans tout nous aussi. Moi ou le film, c'est qui a raison? Ben, anyways... Django, c'était le fun, ça t'a captivé, très bon, c'était divertissant. J'ai entendu puis The Hobbit, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai mais... pas vu The Hobbit. T'as vu les deux? Coudonc, t'es-tu d'abonnement au cinéma? Non, j'avais pas été de l'année, plus c'est comme dans le temps de Noël. C'est un bon moment pour aller au cinéma. Juste le budget des fêtes. Moi, j'ai dit d'en choisir un. Ouais. Non. Oui. Tout est une machine à cinéma. Non, mais... Ah, mais il y a aussi The Avengers. Ça fait deux ans. J'ai beaucoup aimé. Mettons que tu choisis entre un, là. Mais parce que... Non, pas de parce que... Django, Avengers ou Hobbit. OK, ben aujourd'hui, tu files comment? Mais t'as dit Django, ça sort de ton c'est Django, c'était spontané. Non, mais j'ai oublié que The Avengers, c'est ça l'affaire. Okay. Moi, je trip film super-héros, je capote là-dessus, surtout quand il y a Robert Downey Jr. dedans. Le Batman, lui, t'avais pas Oui, inspiré. Le Batman aussi, tu vois, pour moi, c'est... Rick, I see what you did there, mais s'il te plaît. Arrête! Ça suffit. 2012, je pense? Ouais. J'étais pas sûr que c'était fin 2011. Là, je suis troublé, je sais plus. Non, mais t'as dit Django. OK, fait que c'est Django. Puis en plus, t'étais enregistré, donc t'as dit Django. C'est Django. Milter? Moi, je l'ai vu la semaine passée. Oh! Même pas, je l'ai vu il y a deux jours, genre, ou quoi. C'est pas mon film de l'année. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai vues, mais c'est lui que j'ai le goût de voir, de parler. Non, parce que Spider-Man, gars, ben vite, là. Je l'ai même pas vu, first. Puis c'est comme trop normal, tu sais, ça m'impressionne pas assez. Tant que je parle de d'autres. Mais admettons que t'embarques pas dans le jeu d'Éric, qui nomme plein de films, là. Ben, moi, là. Mettons. Tout le monde sait que j'aime les films. Je peux pas dire de marge, là, mais pour moi, j'aime ça, ces films-là. Là. Puis okay. J'ai écouté The Man with the Iron Fist avec ma blonde. Ma blonde s'est endormie, mais elle veut le réécouter avec moi parce qu'elle était bien fatiguée et malade. Là, fait que on va le réécouter. Moi, je suis content. Je vais pouvoir le réécouter une deuxième fois. Puis, pour le résumer en très peu de mots, Kung Fu chinois avec des cordes, des armes bâtards, du sarcasme puis du Wu-Tang. Fait que... Ouais. C'est immense. La vision qui ont commencé en 89. Gars, il manque des nains pis des zombies, là, pis c'est un film parfait pour moi. Mais t'as oublié le acteur. Je savais pas que le film était planifié depuis. Non, je pensais que le film était planifié pis excuse, on dérange. De quoi le film était planifié? Non, mais parce que moi, je parle de Wu-Tang, parce que Wu-Tang, il est asiatique depuis le début. Reza, il tripe depuis toujours sur des films de Kung Fu. I am, il y a l'école du micro d'argent, là. Gars, I am, ils ont copié le titre. Tu sais, j'adore ce Mia. C'est n'importe quoi. Ils ont fait un album là-dessus. Ils ont fait une tune avec eux autres. Ça veut dire qu'ils ont payé très cher juste pour les avoir. Pas de pacotille, chemise en or. C'est n'importe quoi. Chemise verte, chaîne en or qui brille. Attends, c'est quoi le deux, trois petites rhymes de Star Wars en français. Luke, là, c'est gars. Moi. Attends, c'est quoi le. Chante pas du I am, s'il te plaît. Assez de moins, là. S'il y a bien, non, mais en tout cas. Là. Mais attends un peu. T'as oublié de me mettre quoi dans la description de The Man with the Iron Fist? T'as oublié le jeu d'acteur douteux? Mais non, mais chante pas du. T'as oublié le jeu d'acteur douteux de RZA et sa seule face? Il y a une face tout le long du film. Un producteur incroyable de musique et de trames sonores. Mais faut pas qu'il soit devant la caméra. Et réalisateur de film maintenant. Devant la caméra, mon homme, là, j'étais crampé. En tant qu'acteur, c'est pas le meilleur. Mais comme je spécifiais avant, j'adore le cheesiness de film de série B. Mais moi, on s'entend. Moi, je ferais un film, je serais dans mon film, je serais pas meilleur. Puis je le sais parce que je suis pas un acteur. Pas pour retourner à Django que Mel a choisi. Mais quand tu vois Jamie Foxx là-dedans, Django. Où ce que tu vois du cheesiness qui se passe bien fait, et tu vois Jamie Foxx là-dedans qui underplay le cheesiness, puis là après ça tu vois RZA qui sait pas trop comment underplayer le cheesiness. C'est pas du cheesiness ça qui fait, c'est lui là. Non, lui, il joue en tant qu'acteur, c'est normal, fait, mais en tout cas moi c'est totalement mon genre de film. Fait que, gars, j'aime. Comme je dis, il manque un ape, un zombie, puis c'est le film parfait. Il se fait pas enlever, il y a pas quelqu'un qui se fait enlever. Il se fait, Hey. Spoiler alert. Il y a pas de spoiler, c'est juste qu'il y a tellement de gore. C'est ça, c'est l'autre mot que j'avais oublié pour la description. Gore. Il coupe des bras, ça pisse le sang. Il y a des armes qui existent pas, c'est écœurant. Des punches avec des bras en métal, un peu comme Jax dans Mortal Kombat. Quand RZA se fait poser des bras, là, parce que c'est ça, là, The Man with the Iron Fist, je regarde le titre, le dit, c'est pas un spoiler, là. Mais c'est Jax qui se bat là, dans un sens dans des mondes de Kung Fu. Puis il y a une shot, il sac un coup de poing sa gueule à quelqu'un, puis là, il part vers toi. Ça serait en 3D, ça serait malade. Mais okay. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. C'est mon genre. Man with the Iron Fist, mon genre Django, de film poche. Life of Pi. Qu'est-ce que ça dit? Django. Oh, excusez. Django. Puis je peux te dire que Django, là, petite parenthèse là, de inutile facts. C'est pas mexicain, c'est Django. Django? Il y a comme 40 Django, films de Django. Jimmy. Hein. Toi, à chaque shot, il y a comme 40 fucking Rowdy Rator, il y en a 8. Mais Django, c'est un genre de Rowdy Rator. Ah non. Puis Django, ils ont fait plein de films de spaghetti western des années 40, 50, 60 avec ce personnage-là. Ouais, ben moi, je suis sûr que ça va être On va être la finale. Je pense que ça va être le choix, c'est Django. Le choix, c'est Django. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte pause de 30 secondes, une pause pipi. Puis ensuite, on va revenir. Bon, OK. Tout simplement, on est à l'aise avec ça. Ouais. Donc, il va sûrement avoir un effet spécial cocasse que je vais rajouter, là, un bruit sonore ou quelque chose comme ça. Là. Dans le fond, ça va être vraiment boring puis plate, mais on va rajouter quelque chose. Ou du space pod. Ah, ou de la musique d'ascenseur, ça serait bon, ça. Du music. Donc, tout le monde s'est égoutté la sardine, à part Mel, parce qu'elle n'a pas de sardine. Non, pas de dernière nouvelle. Merci. Je vais pas aller. Donc, on parlait du... What the fuck? Hey, comment ça t'es pas allé? Faut que je fasse stop, rapport. Là. Non, okay. C'est correct. Un peu de discipline, mesdames et messieurs. Ça, je suis pas allé. Film 2012. World of Warcraft, Mist of Pandaria. Toi, t'es plus de bière pour Eric. Donc, on parlait Life of Pi, Mélan, c'était? Django. Django, Django, Django. Les oreilles. Milter, c'était The Man with the Iron Fist. The Man with the Iron Fist. Moi, je suis allé dans une vision un peu différente. Je suis pas allé avec la réflexion. Je suis pas allé avec les effets spéciaux. Je suis pas allé avec un paquet d'affaires. Je suis allé dans une direction totalement différente. Puis c'était le divertissement. Puis un de mes gros divertissements... Puis à ma connaissance, j'espère que c'est 2012, parce que sans ça, je suis dans le champ RN, mais j'ai un backup. Pas me le dire. Tu me le diras, ben, ça, je suis même pas inquiet. Trod the Original. Non, non, non. Cabin in the Woods. Ouais, c'est 2012. C'est 2012, ouais. Cabin in the Woods. C'était mon choix avant de changer pour Man with the Iron Fist, puis je te dirais, c'est parce que je l'ai vu cette semaine que ça a peut-être influencé ouais. mon choix. C'est toujours de puis j'avais le goût d'en parler, hey. Genre. Ce film-là, là. Mais pas sinon, vu encore, mais honnêtement, suggérer, sans c'est... joke, mais c'est parce que, arrive plus là. Plus que suggérer, là. Tu veux du divertissement, tu veux mettre ton cerveau à off puis juste faire, c'est cool. Mais je pense que l'expérience est la mieux vécue si tu te fais pas dire absolument rien. Exactement. Ouais, c'est ça, moi je connais rien. Attends-toi c'est pas sûr. À rien puis je t'en parlerai même pas. Mais Cabin in the Woods, pour moi, ça a été mon expérience 2012 au cinéma. Ouais. Oh, au cinéma en plus. Hey, j'ai vu ça au cinéma, moi. Oh, pas bon. Moi, Cabin in the Woods, c'est un film plus personnel. Mais ben, tu l'écouteras tout seul, chez vous. Mais dis quoi, Rick? T'as plus le choix d'être personnel parce qu'il est plus au cinéma, bâtard. Oh my god, je gave. Tu dis comment, quand je l'ai écouté, moi, tu j'étais où? J'étais, disons que j'ai des screeners pour ma job, on va dire. OK. Des screeners spéciales. Puis j'étais pour la job, j'étais à Québec dans une chambre d'hôtel, puis j'écoute des films que je me dis des fois que ma blonde peut-être elle se fout un peu plus genre ou quoi, puis j'étais pas sûr avec Cabin in the Woods. Fait que finalement elle a bien aimé ça, mais moi je l'ai écouté avant puis j'étais comme je sais pas c'est quoi. J'ai entendu dire que c'était super bon, mais tout le monde me disait faut pas que je te dise absolument rien. Ah non, mais c'était vraiment mais bon. Puis quand je l'ai vu, j'ai trippé bien. Le seul pépin qu'on a, là, par exemple, guys, puis je vais avoir besoin de l'attention de tout le monde. Oh wesh. C'est que. Pas ma face, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on a tout un film différent, mais on a une année 2012. Moi, je suis prêt à changer mon vote pour Cabin in the Woods juste parce que c'était mon choix avant Man hey! With the Iron Fist. C'est pas comme le genre de vote hashtag qui me... Ouais, oui, t'as raison. Non, il est merde, on est avide de se faire avoir, là. C'est soit tu changes ton film... pour Django. Mel, tu le sais qu'elle changera pas. Ah! Moi et André, on est Cabin in the Woods. Non, mais moi, faut que je reste Life of Pi. J'ai pas le choix. Fait que... Donc, le film, cette année, pour le Geek Collectif, La Découverte à faire... Cabin in the Woods. C'est voilà, pour l'effet de surprise, vraiment. L'effet de surprise, puis l'effet de, si vous avez trippé sur Buffy, sur Angel, sur un paquet d'affaires, si vous aimez Joss Whedon. Si vous êtes un connaisseur, allez voir Cabin in the Woods. Un fan de films d'horreur, il y a plein de références easter egg un peu en même temps. Sans le vouloir et en le voulant, il y en a plein. Cabin in the Woods, télésérie 2012. Moi, je suis prêt à me lancer bien vite là-dessus. Milter, ton choix 2012? Parce que... Es-tu au complet 2012? C'est ça l'affaire. Tu sais, des fois, mettons que tu prends Walking Vas-y, Dead. OK, mettons que tu prends Walking Dead. Non, mais c'est pas Walking Dead, c'est ça l'affaire. C'est-tu les saisons qui ont commencé cette année ou c'est une saison qui a commencé cette année? On va le laisser à large. C'est l'argument que je voulais laisser, ça. OK, mais regarde, allez-y avec ce que vous avez trippé 2012. C'est sûr si c'est saison 8, un moment donné, non. Mais c'est vraiment 2012. Non, mais c'est ça le problème, moi. OK. Je vais tout dire bien vite. Walking Dead... Saison 3 est exceptionnelle à date. J'ai hâte de voir la prochaine moitié, si on peut dire, qui recommence en février. J'aime beaucoup la série TV. Fait que je vais laisser choix, ça Milter. À ça. mais ça compte, je sais pas si ça compte. Parce que South Park. Ça compte-tu? La dernière saison est incroyable. Je veux elle juste. Donne-tu le goût de faire des grouillardes? Plus que des grouillardes. Non, mais elle est vraiment bonne. Les jokes sont, tu sais, sont timés, ils sont tout le temps dans l'actualité de la semaine. Park, mais ça compte comme une télésérie? Ben, c'est une télésérie. C'est une vieille télésérie. On va te laisser. Mais ça, ils sont rendus en saison 16. Fait que tout tu me l'as dit, ils sont rendus en saison 16. Ben non, mais gars, OK, on va le tolérer. Mais de plus en plus que t'avances, c'est meilleur. Fait que la saison 1, je réécouterai plus jamais ça. Okay. Tu sais, c'est, fait, en tout cas, elle était 40 la dernière. Je suis très déçu de Dexter saison 7. C'est juste ça que je voulais dire. Tant qu'on peut dire un moins comme moi je vais dire cette année, South Park, je les ai trouvés 40. J'en ai écouté 3-4, donc je les ai bien aimés. Je mets pas Walking Dead parce qu'elle n'est pas finie. C'est juste pour ça que je mets pas la saison 3. Fait South Park. South Park saison South Park, 16. Okay. C'est ça, le 16. Mel? C'est quoi ta télé? Télésérie 2012. Ben, si on parle d'une série qui est sortie cette année, mais en 2012, si on parle de ça qui est sorti cette année, l'année passée, ça serait Once Upon a Time. Si on parle de 2012. Ma femme, elle serait bien c'est super bon. Même mon chum. J'ai écouté les trois premières. Si on parle. Je pense que j'en ai écouté plus. Non, c'est super bon pour de vrai. Je suis meilleur que Panam. J'écoute pas Panam, mais ça doit être sûrement meilleur que Panam. Okay. On dit pas en temps, c'est actuellement, c'est pas pire. Si c'est genre pas pire. Overall, là, que, comme, qui a joué en 2012 quand même, ça serait Breaking Bad. OK. OK. Intéressant. La dernière, c'est. Ben, mettons, là, parce que tantôt, faut voter. Lui, c'est South Park, toi, c'est. Moi, c'est South Park. Once Upon a Time. C'est vraiment la série qui m'a le plus. Okay. Elles sont à combien de saisons de ça? Une ou deux? C'est la deuxième, là, qui est en train de finir. Qui vient de finir. Ou non, qui est en train de finir. Qui vient de. En tout cas. Allez, mais regarde, tu crush, il y en a deux, il n'y en a pas huit. C'est à bière, là. Non. OK. Je peux te faire terre? Mais moi, il faut que je dise que j'ai pris des notes. Okay. J'avais marqué une nouvelle série et série courante. Fait que j'aime cette formule-là. Regarde, vas-y avec ton top des deux. C'est ça. Nouvelle série. Nouvelle série pour moi, personne n'a écouté, j'en suis sûr, mais c'est une télésérie qui s'appelle Luck. C'est une télésérie d'HBO avec Dustin Hoffman. Ça me dit de quoi, là, ça? C'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues dans longtemps. C'est juste à bout de qu'est-ce qui se passe à l'entour. C'est nouveau, ça? C'est nouveau, ça jouait, c'était sur HBO. Puis c'est à propos de tout ce qui se passe à l'entour d'une traque à cheval. Tu sais, c'est horse racing. Cool, puis c'est vraiment c'est, okay, c'est Luck, L-U-C-K. Oui, je pensais Luck comme L-O-C-K. Avec plein d'histoires alentour de ça qui, est-ce que, c'est sérieux, ouais? Fait que, mais une traque à cheval? Fait qu'une traque à cheval, Dustin Hoffman qui joue un rôle absolument pissant. Littéralement. Puis, c'est vraiment une excellente série. Puis j'ai vraiment aimé. En tout cas, je la suggère. Puis malheureusement, il va plus en avoir d'autres. C'est Michael Mann qui a produit ça. Il a réalisé le premier. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis série existante. OK, je vais le dire, là. Faut que je dise que Luck, ils en font plus. Ils ont fait une saison. Puis ils en font. On a une nouvelle mascotte. OK, faut le dire. Mel a amené son bébé chiot. Puis la pause pipi de tantôt semblait pas suffire, donc... J'ai mis les mains, je me demandais pourquoi on est en train d'éponger du... Ben, on va ben ouais. En parler le moins possible, parce que c'est ma ça. Femme est là, je veux être dans la merde. Fait que... Fait que tout ça pour dire, là, qu'ils en feront plus à cause qu'il y avait de l'abus des chevals, ça de l'air, puis ils ont calé sur la pression. Il y a pas de cheval, mais il y a un cheval qui est mort dans le tournage. Quoi? Puis, oh, ben c'est que sûrement pas voulu, là. Mais c'était pas voulu partout. Ils ont fait exprès, non. Non. Mais en tout cas, c'est excellent, excellent, excellent. On va tirer le cheval, là. Non. OK, fait que ta série existante, existante et pour toujours en ce moment, c'est Louis. C'est quoi? Ah, Louis, j'avoue que Louis, c'est bon. Si, est-ce que vous avez écouté Louis? J'ai écouté certains épisodes. J'ai vu quelques épisodes. Louis, là, c'est un des... L'humoriste Louis C.K. Ben, on parle de la même affaire, là. OK. Pour moi, là, puis j'ai écouté saison 1, saison 2, saison 3. Saison 2 était très bonne. Saison 3, cette année, était excellente. Louis, il passe proche de pogner le Late Show de David Letterman, c'est vraiment écœurant. Mais pour moi, ça va être ça. Et je dois dire que Louis, ça va être mon choix ultime aussi de l'année. Paraît qu'il fait tout lui-même d'un lab, un MacBook, genre. Le gars, il c'est filme tout seul, écrit, puis... réalisé par lui. C'est tellement montage, honnête, tout. C'est super original, c'est l'humour comme ça devrait l'être. Parce que quand l'humour, ça sort de qu'est-ce que toi t'es pis qu'est-ce que tu racontes, c'est vraiment excellent. Moi, j'y donne ça, au moins le gars, il fait tout de... Pis il faut que je fasse une mention honorable que personne va parler, mais qui a très un thème geek, là, mais c'est Video Game High School. J'ai jamais vu. Freddy Wong. De Freddy Wong. C'est tellement bon, c'est le gars qui a fait le clip de Dead Set pis genre Mindless Self fait d'autres games pis tout. Oui. Et en plus de ça, c'est maintenant sur Netflix. Oh. Le pire, c'est qu'ils viennent de terminer le scénario de la saison 2 là, de Video Game High School. Man, c'est tellement le fun, cette série-là. C'est vraiment bon. Louis, c'est crissement mieux. Si tu es en vrai, du vrai bon. Oh, ouais, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux. Puis... Si t'es fan de jeux vidéo, ouais. Puis t'es fan d'effets spéciaux faits à la YouTube, à la Scott Long, Pilgrim style, tu vas vraiment, vraiment triper cool. Sur ça. Tu m'enverras le lien. Fait que, mis à part mon histoire très puissante, on peut continuer. Rien choix. Mes choix 2012. C'est simple. De mon côté. C'est vraiment plus simple que moi, ouais. Plus simple que, ouais. Je vais vous parler. Ben, regarde. Mon runner-up. C'est une télésérie canadienne que je pouvais pas négliger. Bomb Girls. J'ai vraiment aimé, non? Vraiment, non. Non. Écoutez, Continuum. J'ai écouté les deux premières de Continuum. J'ai adoré Continuum. Puis j'espère que ça va revenir. Puis c'est excellent. Regarde. Le concept, il est cool. Le concept était vraiment cool. J'ai vu genre de femme du futur qui revient dans le passé, essaie d'empêcher des événements d'arriver, mais en même temps, si elle change trop le temps, ça veut dire que dans le futur, peut-être que sa famille n'existera pas ou telle chose. Puis c'est vraiment choix, bien fait. Ça, c'est mon, non, ça, c'est un runner-up. Ah, okay. Mon choix 2012. Regarde, j'ai trippé, puis c'est peut-être la vibe où je viens de partir un projet de podcast avec vous autres. Mais Comic Book Man. Ouais. C'est, ben, tu trouves pas que c'était trop scripté? Oui. Ben, la saison 2 est scriptée. Mais on dirait que c'est le podcast. Moi, j'ai la saison 1. Le podcast qui est scripté. Mais c'est un peu ça. En télésérie. Mais c'est, à quelque part, la saison 1 me dérangeait moins. La saison 2 était un peu plus scripté, puis ça, je l'accorde. Mais n'empêche que t'as des bons moments, t'as du fun, puis c'est cool. Puis j'aime ça. Moi, j'ai pas écouté encore, mais je l'ai. J'ai juste c'est pas vraiment bon. Le temps honnêtement, là. De taper les 6 épisodes, là. Puis en plus, qu'est-ce que l'affaire, c'est que je me disais, quand je vais avoir le temps, je vais sûrement vouloir écouter comme 2 épisodes en ligne, tu sais, où je vais avoir le temps vraiment d'en écouter. Fait que là, j'ai vu que t'écoutes un épisode, puis un podcast après. Ouais. Fait que là, je me sentais comme... Tu veux claquer le podcast après. Ouais, tu sais, pour le faire en ordre, mais je me disais, je vais avoir de la misère parce que j'écoute la TV chez nous le soir. Je vais écouter la saison 1 back à back. Mais il y a 6 épisodes. Ben, c'est ça. Puis c'est ça qui est cool. C'est pas trop, c'est juste assez. Puis je les ai écoutés un après l'autre, puis j'ai trippé. C'est vraiment le fun. OK. Je peux-tu faire une petite note? Live podcasting, scène podcast québécoise, dindan, est-ce qu'on rock là-dessus? Hein? Le live podcasting, moi je trouve ça drôle. Hey André, on dirait que t'as dit crayon-asie aujourd'hui. le monde le voit pas. Il était sur le bord de brailler, là. Je l'ai vu, là. Il était trop drôle. Il appelle ça des cernes. Okay. Fait que TV show de l'année, Continuum, c'est... Non, mais en gros, là, c'est qu'on a tous encore des choix différents. Fait que c'est quel vote... Ah, t'sais-tu quoi, moi je dis qu'on s'amuse avec ça, c'est quel vote qui se fait acheter? Qui vend son vote? Louis? Ben écoute, Milton pis Eric ont déjà vendu leur vote. Moi je dis qu'on y va par la série. Ok, ben moi j'ai dit Louis, moi. Moi j'ai dit Louis. Ah non. Il n'y a pas la série qui a le plus d'épisodes. Plus d'épisodes, ça veut dire plus de bon temps. La seule émission où tout le monde est allé, ah ouais, j'aime ça, même sans les avoir vus, c'était Louis, hein. Je vous le dis tout de suite. Moi je l'ai pas vu, mais j'avoue que j'aime bien Louis C.K. C'est sûr que j'aime les épisodes, mais je l'ai vu comme 2-3, gros max, là. Si tu veux de l'humour qui te fuck au bout, là, c'est ça, là. Okay. Quand tu vois le gars là, qui est en train de peigner les cheveux de sa petite fille de 6 ans, puis elle est comme, tu sais, papa, j'aime ça être chez maman, puis moi. Il donne des coups de non, bang. Non, la petite fille est comme, j'aime ça être chez maman, moi. Puis elle est comme, OK. C'est pas à cause que je t'aime pas, mais c'est juste qu'elle cuit mieux la bouffe. Puis elle est comme, OK. C'est pas qu'à cause mais que je t'aime pas. Affaires. C'est à cause que, tu sais, je l'aime plus, mais je t'aime quand même, toi, papa. Puis pendant qu'il peigne les cheveux, sa petite, il est comme, OK, puis sa petite, elle s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? À caméra, il donne le gros doigt du milieu à sa fille de 6 ans. Ok, excuse-moi. C'est ça là, des enfants. J'essaie de vendre mon. Moi, j'essaie d'acheter un vote. Quel film? De c'est quoi ça? C'est Louis. Ok, je connais pas ça. C'est la série TV. Louis, juste Louis. Louis. Bon, mais qu'un gars. Louis. Ben, Louis, c'est je sais pas si c'est 2012, c'est ça l'affaire. Non, mais on a toutes fait nos découvertes. Ouais, non, c'est vrai. Ok, mais maintenant, on scrape nos autres, on prend découverte 2012, c'est quoi? Découverte 2012, Locke pour moi. Locke, toi, c'était quoi? J'ai pas de découverte en 2012. Mel, toi, découverte 2012, c'était quoi? Ma découverte 2012? Ouais. Mais c'était Once Upon a Time. Pour les séries. Ok, oui, Once Upon a Time. Je pense que t'as un impasse. Maintenant, sais-tu quoi? Moi, je vais aller Once Upon a Time, parce que j'en ai vu une couple, puis je l'ai aimé, moi. Oh, Alliance, encore une fois, frappe. Ouais, c'est vrai. Moi, je change pas, je vais pas dire Once Upon a Time. J'ai pas écouté encore. T'as comme un trop, c'est trop Kevin fils. C'est Kevin Smith. Mais Dieu, Comic Book Man, t'as juste passé Kevin Smith. Oh! Hey, hein? Okay. Donc, qui a 25 cents? Je vais dire ça parce que j'aime le concept d'avoir un podcast relié à l'émission. Genre. Bon, OK. Hein? Fait que là, juste pour le concept. Parce que au Geek Collectif Podcast, on n'est pas des tout nus. C'est pas un 25 cents, c'est un 2 piastres. Oh, big money. Donc, je vais vous laisser. L'ours polaire, Milter, tu calmes quoi? L'autre bord, t'as pas le choix. Bébête ou l'ours polaire? C'est quoi qu'il y a l'autre bord, la face? Once Upon a Time, c'est l'ours polaire. Ou Bébête, l'autre bord. Comic Book Man, c'est l'autre ours. C'est pas la reine, l'autre bord. C'est l'ours à quoi? Ben, c'est Bébête. C'est l'édition spéciale. Bébête. OK, mais là, juste Bébête. Pour que ça prouve que ça n'ait pas de triche. OK, ouais. C'est quoi? Oh! C'est l'autre. Comic Book Man. Série 2012. C'est la série à Kevin Smith. Le 2$ a décidé. À partir de maintenant, ce 2$-là, je vais jamais le passer en petit change. C'est rendu le 2$ qui va trancher au travers de 2013. On va attendre, puis on va le mettre 10$. Si tu veux savoir c'est quoi Comic Book Man, Mel, là, mais c'est plus ou moins notre podcast. Mais imagine qu'après qu'on compte nos histoires, on les refait en scène après. On fait un autre podcast. Ça sera ça. Mais que rajoute aussi des milliers de téléchargements. Moi aussi. Ouais. Puis un contrat de Kevin Smith. Un contrat de puis un contrat publishing, de publishing. TV, puis, on a fait les téléséries. Oui, c'est ça, il y a un peu plus de cash. On a fait les films. On a fait l'année. On a fait les mémés. Les memes. Ouais. On a fait les vidéos virales. On a tout fait 2012. Là, on a bouclé. Donc, le meme, c'était Grumpy Cat. Oui. Le vidéo viral, Gangnam Style. Ben, ça n'a pas le choix. Le film. Ben, c'est... Django. C'était pas Django, le film. C'était Cabin in the Woods. Non, non, non, non. La télésérie. La télésérie était Comic Book Man. Ouais. Et le jeu était World of Warcraft, Mists of Pandaria. L'expansion. Mesdames et messieurs, 2012 est maintenant clos. L'expansion. On est rendu en 2013, bye. Donc on ne parle plus de 2012, sauf... On ne vit pas dans le passé. Sauf que Milton a une manette dorée à nous présenter, ouais. Puis ça fait longtemps qu'il travaille sa manette dorée. Sauf que j'ai joué à un certain jeu en 2012. Oui, en passant, Milton, t'es la bienvenue. Qui a été faite bien avant 2012, je pense. 2007. Là, vous prenez des photos tout à l'heure, puis c'était pas le temps. Là, c'est le temps. Moi, je vois 2006, ça a pas cher. C'est le chien, il est plus cute à prendre en photo. Non, non, mais Milton, il est qui ouvre, là. Lui aussi, il y a du poil. Ouais, c'est ça. Attends. Attends, j'enlève mon cover parce qu'il bloque la caméra. Ben, Desperate Housewives. 1, 2, 3. Au PC. Un merveilleux jeu qu'Éric m'a passé. Sérieux, hein? Je suis très donc, content d'avoir donné ça. Ben, gars, je veux commencer en me disant, tu sais, quand tu me l'as donné, j'ai fait comme, ah, yeah, version française. Tu sais, en partant. Fait que là. Ouais, c'est ça. Non, mais. C'est, oh non, là, parce c'est que, bon, mais je me souviens, ça, j'ai fait bon. Ça. Puis toi, tu m'as dit, ben oui, il est traduit en français, il y a 4 disques dans le chose. Fait que là, j'ai ouvert le jeu. Pis je vois ça, The Spirit of Wild. Trop laissant pour ça, là. Non, ben, toi, oui. Hey, ça dit sur le dessus, disque 1. Fait que moi, par logique, je prends pour acquis qu'ils sont 1, 2, 3, 4, pis que j'ai besoin d'installer les 4. Fait que je mets le premier. Bon. Quand que je mets... un moment donné, tu sais, t'installes un jeu de PC, ça te dit changer de disque, mettez disque 2. Fait que là, tu l'ouvres, tu sors le disque 1, tu prends le disque 2, pis en dessous, tu vois disque 1. Là, tu fais, OK, c'est deux disques en français, deux disques en anglais. Okay, il est bilingue, le jeu, mais tu y as pas dit. Non, c'est pas quatre disques, c'est deux disques français, deux disques en anglais. Donc, tu t'es fait gauler. J'aurais pu juste enlever les deux premiers, mettre l'autre, puis jouer en anglais. Fait que, hey, petite note pour les manettes dorées, là, mais c'est le même, ça devrait se faire les manettes dorées, OK? Mais tu peux troller la personne, salopard. Fait que là, j'étais pogné déjà à jouer au jeu en français, good. Quelque chose que j'ai lu, surtout quand que le jeu il a été fait dans une langue autre que le français. Encore mieux, on continue. S'il est fait en français, go for it. J'adore la pub du Chrysler Crossfire dans le livret. Dans le livret, il y a une pub de Bertolli des Pâtes, puis Sears et une Chrysler Crossfire. Toutes des affaires que plus une femme utilisait. Gamer. Non, mais attends, on s'entend-tu même à ça, le Desperate Housewives, Sears, pour vrai? Attends, qu'on se rempluguait Sears et des de maison. Hey, il y a le logo de CTV dessus la boîte du jeu. Là. Assez dans ABC. Pis ça, sur la vraie pochette, c'est marqué ABC. Puis pour qu'il y ait un Canada, sticker, on le connaît, CTV. Rajouter CTV. Mais peu importe, c'est en tout cas. j'aime ça. Déjà là, en partant, j'étais comme Colin, je l'ai mis en français. Mais ça, t'as pas joué à ça dans ta chambre d'hôtel quand t'étais en plus en dehors de la ville, loin la de tout le monde? Fois, j'ai dit, je m'en vais à Québec pendant 2 jours pour la job. Fait que je vais aller jouer à ce jeu-là dans ma chambre d'hôtel le soir. Excusez. Fait que j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Je l'ai tout installé, tout allait bien. Je te dirais, c'est comme ça ressemble à The Sims. Okay. Il y a un côté point and click de Walking Dead dans le sens. Ouais, non, je te dis. Ça a gagné le jeu de l'année, fait que je me dis, je vais le plugger. Fait que c'est genre King Quest, un peu. Non, mais t'as des choix, genre, tu parles au monde, là, pis t'as tout le temps 3 choix. Soit que t'es hyper gentil, soit que t'es neutre, ou soit que t'es bête avec. Ok, fait que tes choix, c'est de genre, ton linge est laid, ah, je te bitch dans le dos, ou le C, je vais aller te faire une sandwich. Qu'est-ce que tu dis, c'est Walking Dead a copié Desperate Housewives. Ben oui, ça vient tout de là. Ça, j'aime ça. Il y a des mini-games là-dedans. Genre, comme dans Walking Dead. Genre, non, dans Walking Dead, il n'y a pas de mini-game comme ça, dans le sens que tu peux pas jouer au poker dans Walking Dead. Tu peux jouer au poker dans Desperate Housewives. Il y a une mission carrément basée sur le poker. Déjà là, c'est mieux que Walking Dead. Continue. C'est pas évident. Non, mais attends, les mini-games, tu sais, comme, Je fais un jardin. C'est ça, tu fais. Attends, tu vas tout voir ça, ok? Faire des sandwichs. Fait que ça commence, en gros, là, tu fais ta famille, genre. Fait que moi, je m'avais fait, elle s'appelait Barbara Gagnon. C'était ma personnage. Hein? Ouais, ok. J'avais appelé, c'était ma famille, c'était Barbara Gagnon. Puis mon mari, c'était Tyrone, c'était un black. Que j'ai fait, parce que je m'ai dit, tu sais, once you go black, you never come back. Fait que j'ai fait un mari black. Ça s'appelle Tyrone. Ouais, je voulais qu'il soit le plus black possible. Puis là, t'as pas le choix, tu te fais un enfant. Fait que là, j'ai fait mon enfant, il était comme blanc, comme le plus blanc que tu peux pas, roux, puis il s'appelait Julien. Puis, ben c'est... Fait c'est, que Tyrone, cas, c'était pas le père? Je le sais pas, mais c'était ça ma famille. Je m'ai dit, je vais faire ma famille la plus weird comment possible. Comment tu peux pas le savoir? C'est toi qui l'as fait? Ben ouais, ben j'ai pas pensé au backstory. J'ai juste fait des personnages, puis je trouvais ça drôle. Ben avec un black father, j'espère que t'as pas pensé au... Ah, puis on va arrêter ça. Non. Regarde, moi, j'ai pas réfléchi à pourquoi que je l'ai fait. Vous avez pas non plus vraiment à le faire. Ça amènera à rien de plus. OK, fait que Desperate Housewives... J'ai juste fait une couple de missions. Ouais. Puis, regarde, la première mission, là, en gros, c'est... Je trouve des pilules... dans ma boîte à mal. Oh. Puis, tu sais, des gens d'antidépresseurs, de Desperate Housewives. Fait que tu restais à la chenille, dans le fond, là. Non, mais tu restes dans un genre de rond-point, c'est ça l'affaire. C'est ça, je te dis, la chenille. T'es dans un rond-point de la chenille, tu trouves des pilules dans ta boîte à mal. Mais là, genre, j'interroge toutes les autres personnes, puis c'est comme, vu que c'est la première mission, il y a comme un training en même temps qui se fait, qui est assez évident, puis tu vois toutes les voisines qui viennent cogner chez vous, une après l'autre, puis tu sais, du dialogue inutile, là, tu cliques, cliques, cliques, cliques, cliques. Puis là, il y en a une qui te dit, viens chez nous, à soir, on va faire un party de filles puis bitcher. En gros, c'est ça, là, c'est vraiment résumé, là. Fait que là, tu t'en vas dans le party, puis là, tout le monde te dit, ah, oh, l'agent d'immeuble, nanana, elle prend des pilules, puis là, tu comprends que les pilules que t'as trouvées sont à elle. Fait que là, tu trouves tout elle, tout le monde pis sait tu... prend des antidépresseurs. Genre. Fait que là, tu sais, c'est le genre d'émission de même. Fait que là, tu trouves la fille, t'as confronté ses pilules, tu finis par y donner, pis tout est correct. Genre, c'est comme... Oh, OK, mais tu y donnes pareil. Oh, ouais, j'y donne. Ben oui, j'espère, s'en fout. Pis, c'est une bonne voisine. T'as des choix... T'as... Ben, c'est elle qui m'a vendu ma maison, techniquement, dans le jeu. C'est elle qui te monte au début, genre, c'est... C'est ça, là. T'es dans une nouveau, des un nouveau jeux, quartier. Ça rappelle de Chris, man. Y a-tu des vélos dans le jeu? C'est rien que la première mission. Non, tu peux marcher jusqu'à l'autre personne. Mais là, après, deuxième mission... C'est du plateau, ça, là? Ouais, ça! Moi, je m'attendais pas à ce genre de jeu-là. Mais genre, je marche à la rue, je sors de chez nous, puis il y a comme une voisine qui est devant la maison de ma voisine immédiate, OK? Puis elle est là, puis elle me dit, là, j'ai besoin de toi. Puis là, t'es comme, de quoi? C'est quoi qui se passe? Elle dit, moi, j'habite pas ici, mais faudrait que tu rentres par infraction... pour aller chercher la guitare qui est en dedans que j'ai passé, genre, une affaire de même, là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il te montre comment, quasiment Splinter Cell style, aller unlocker une porte puis rentrer, t'es dans, moi, je suis là, j'étais en train de jouer à Desperate Housewives. Splinter Cell Housewives. Je rentre dans la maison, puis là, tout dans la maison, là, genre, tout d'un coup, il commence à faire du bruit. Tu passes à côté d'un toaster qui pop tout seul, il y a un téléphone sur le mur, il se met à sonner. C'est-tu tout en 3D, ça? Ou ben, comme The Sims. Exactement fait comme fait si tu jouais à The Sims. Fait que t'as une scène de Splinter Cell, mais non, comme c'est The pas vraiment Sims. Splinter Cell, mais c'est juste tu rentres dans la maison, puis... ton bonhomme, il s'est à la pointe des pieds, puis là, il faut que tu trouves l'affaire. Puis là, j'étais comme, c'est quoi cette mission-là, genre? Fait que, en tout cas, je m'attendais vraiment pas à ça dans ce genre de jeu-là. Après, l'autre mission, mon mari... Il me dit, genre, va au centre d'achat où ton mari travaille, il est genre dentiste ou docteur. Là, attends, ton mari dit, va au centre d'achat non, ou ton non, mari le jeu te dit, va au centre d'achat, okay. Genre, là. Puis là, Dieu. C'est comme, ouais, Dieu t'a dit, va au centre d'achat. T'arrives là, Puis là, il y a comme des petites mini, pas des cutscenes, mais à la décime, si tu vois, genre, il est en train de parler avec, genre, une sexy secrétaire, là, tu sais, ou de quoi, que lui, il te parle dans des genres de cutscenes de quand tu y fais souper, puis tu soupes avec, tu sais, parce que tu fais vraiment de la bouffe à ta famille. C'est moi, ça me fait peur avec... combien de détails que Milter se rappelle de. Ben, c'est marquant. Il y a quatre mots décrits sur notre pad, mais il y en a dont trois, quatre barbeaux encerclés. Ah, c'est tout, ça, c'est mes enfants qui barbouillent mes notes. Mais tout le reste, ils s'en rappellent, ça vient du mais ça vient, ça marque, là. Dans quel autre jeu est-ce qu'il te force à aller voir ton mari à sa job au centre d'achat puis que tu le pognes en train de cruiser? Fait qu'est-ce que t'es en train de dire, c'est que Desperate Housewives, non seulement est-ce que c'est bien fait, mais c'est révolutionnaire aussi. Là. Non, parce que c'est ça, c'est quelque chose Calme-toi, c'est très scripté. C'est le genre de jeu que, justement, je vais venir à l'autre mission, là, tu me t'apprêtes. Tu vas catcher. Ah, parce qu'il y a une autre mission. Ben ouais, je l'ai arrêté la pas mal là, okay, je te dirais, là. Parce qu'après que tu vois que ton mari, il est comme, il y a des scandales, tu sais, pas des scandales, mais il est comme en train de cruiser un peu, là. Tu vois que ça va aller vers ça. Il y a une mission, puis ça, je trouve ça un peu con. C'est comme une inside de jeu vidéo. C'est ton fils, il est dans la maison, puis il descend de sa chambre un moment donné, puis il est un peu en train de parler. Il parle de Utter Warfare. Puis là, c'est comme... Utter Warfare? Utter Warfare, ça s'appelle. Utter, genre les loutres? Utter, non. U-T-T-E-R, tu sais. Oh, ouais, puis il parle... il parle de ça comme s'il est menacé, tu sais, ou de quoi, puis il est fâché, là, puis tout. Puis là, toi, t'es comme en tant que bonne mère, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Y a-tu des problèmes à l'école? Je vais parler avec toutes les personnes du voisinage pour voir qu'est-ce qu'ils savent sur Utter Warfare. Fait que pour te rendre à la prochaine étape de la mission qui est parler à ton fils. Utter Warfare, dans le fond, c'est Call of Duty, chief. Ah, ok, merci de c'est me le dire. C'est ça, tu le sais pas. T'as aucune mais toi, idée. Tu le sais. Non, moi, là, je le sais là, mais au début toi, de la mission. T'as pas joué à ça, hein. Pas en tout, t'es-tu fou? Ton fils, il parle de ça, puis tu penses qu'il y a des problèmes à l'école. Fait que là, toi, tu parles à toutes les voisines. C'est Milton qui a joué à ça pour moi, pour toi. Mais eux autres, t'as pas le choix de leur poser toutes les questions. Pour avoir la réponse sur c'est quoi ce jeu-là. C'est quoi l'exemple de question que tu poses? Tu fais juste carrément y aller comme t'as-tu entendu parler de quelque chose à l'école qui se passe ou l'autre c'est comme. Est-ce qu'il y a des loutres qui ont des fusils pis qui attaquent pas Utter, mais Utter. Mais en genre, tout cas, il est allé. Ta loutre est allée tuer un aéroport rempli de loutres? Genre, ça, c'est le vieux Call of Duty. Admettons, là, il reste combien de missions à ce jeu-là? Ça, après cette mission-là, j'ai fait. Ben, ça, c'était juste pour dire à quel point c'est plate pis scripté dans le sens que tu peux pas confronter ton gars au début, essayer de choisir quelque chose ou de quoi. Faut vraiment qu'avant que le menu arrive ou quelque chose, que tu fasses le tour de tout le monde, tu leur parles pendant 10 minutes chaque. Que tu reviennes à temps pour faire un souper à ta famille, tu sais, une bouteille de vin, t'es encore tétané. Moi, j'ai joué pendant deux heures et demie, gros max, pis j'étais rendu là. Puis je déteste le poker. Fait que l'autre mission, ça commence, pis c'est les filles qui disent toutes, hey, on va bitcher en jouant au poker à soir, tu viens-tu? T'as pas le choix vraiment de dire oui. Fait que là, tu t'en vas là-bas, pis dès que j'ai vu qu'ils sont vraiment assis autour d'une table, pis c'est une game carrément de genre Texas Hold'em ou de quoi. Ça, c'est avant Red Dead Redemption. Ouais, bien avant Red Dead. C'est très révolutionnaire quand même. Mais l'affaire, c'est qu'en chaque main, là, ils bitch. C'est comme t'as beau dire, comme il passe une carte, ah ouais, la voisine a fait ça, pis t'es comme, c'est du bitchage virtuel en plus. Au moins, si je la connaissais, la voisine, ou... Tu sais, c'est... Non, c'est plate. Le tien mis juste avant? Non, c'était vraiment plate. C'était pas bon, Milton? Je le conseillerais pas à personne. Vraiment. Mettons, là, sur une note de 0 à 5 geek collectif, là, tu sais, donne combien? 0 à 5? 0.5. C'est 0.5? Vrai, mais non, il aime pas le poker. Non, mais c'était pourri dans le sens les que c'était vraiment. De la guerre, ça l'intéresse c'était pas. C'était pas mal fait ou c'était pas dégueulasse quelque chose. Sauf que c'était pas le fun. Tu sais, c'était. Je sais pas. OK. Parce que moi, je suis juste très content que tu l'as joué. Je l'ai une essayé. Mission, là, 1h30 gaspillée, 2h30 gaspillée dans ce jeu-là pour que tu n'en parles. Ah, mais t'as peur, là. Il y a une manette dorée à donner, lui-là. Je suis juste content que tu l'as joué, moi. Ben oui, ah, ben fait. Parce que moi, j'ai jamais eu ce courage-là. Puis t'étais vraiment la victime parfaite, puis je suis non j'ai content. J'ai non, été content. Ce qui est triste, c'est que là il va ramasser quelqu'un là. Non, ben, c'est ça la l'affaire. J'inspire l'âme de la manette dorée. Ben, tu sais que j'ai également beaucoup de jeux médiocres. Oui. Mais moi, je suis pas chien de même. Mais toi, moi, je t'ai donné un Raiden, man. Ouais, ouais. Hey, faut que je te le ramène en passant. Moi, je suis pas chien de même. Dans le non, sens t'es pas chien de même. Je fais découvrir des affaires. Qu'est-ce que tu fais découvrir cette semaine, Milton? Ouais, le jeu, wow. Non, tu me l'as fait découvrir, mais tu sais, je parle. J'aurais aimé avoir du plaisir à y jouer. J'aurais aimé que ça soit une belle surprise, tu sais. Du coup, je te promets que si je te redonne la manette dorée un jour, ça sera pas comme ça. C'est bon. Milton, moi, qui pognes-tu cette semaine? Puis c'est Mel. Oh, Mel. Puis c'est pas chien, je pense qu'elle risque d'aimer ça. C'est pas chien. Mais t'as comme j'ai un peu spoilé, puis ça aurait été d'autres choses, parce que j'y parlais sur Facebook, puis j'en ai parlé. Bon. Mais elle a pas de lecteur Blu-ray. Oh. Fait que c'est juste pour ça. J'ai juste un Apple TV chez nous. J'ai juste un Apple TV. Apple Tini. Un PS3, ouais, ça serait pas pire, tu sais. Mais j'ai un Xbox, mais j'ai pas de lecteur Blu-ray. Ben, c'est pour ça que je dis un PS3 serait pas pire. C'est ça que j'ai acheté juste pour écouter les Blu-ray, moi. Ok, là, get to the point. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, j'ai une série qui s'appelle Strike Witches. Ah, boy. Fait que, t'es pas obligé de l'écouter au complet. Il y a 12 épisodes. T'en avais déjà parlé. Ouais, mais tu l'as pas vu. Non. Fait que, il y a 12 épisodes. T'es pas obligé de l'écouter au complet, comme je te dis. Genre, ouais, c'est puis même genre 22 minutes avec, vu qu'il y a pas de commercial pis tout. En gros, c'est des extraterrestres japonais qui attaquent la Terre en genre 1945. Puis il y a des petites filles qui ont des jambes à la Astro, le robot. Puis il y a ben des panty shots, puis ça se tire partout, puis c'est ça. Des panty shots. Ça a de l'air. Tu m'as eu? Non. Or, you had me at panty shots. Mais c'est le fun. C'est une bonne série. Dans le fond, Strike Witches. Puis si t'aimes bien ça, puis tu passes au travail au complet, j'ai la saison 2 aussi à la maison. Fait que... Génial, génial. Donc, Mélanie, j'espère que t'as hâte d'écouter. Je suis malade, fait que je vais l'écouter back-à-back. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Ça va être vraiment bien. Moi, je suis rendu en plus à la moitié de celle-là. J'ai pas eu le temps de tout l'écouter encore, la saison 1. Mais ben c'est ça, là. Ça se fait bien, puis tu vas me convaincre de continuer. J'aime bien ça à date. Fait que... Ouais, les chaussures sont grandes, là, parce que j'écoute beaucoup d'animés, tu sais. Ben, c'est pour ça que je te le donne à toi. Je me dis, tu sais dans quoi tu t'embarques dans un sens, puis je veux ton opinion d'experte qui mais écoute de l'animé. La grande question, est-ce que c'est en japonais ou salut? La toune début est japonaise. Il est en anglais. Mais je peux te mettre en japonais? Je pense que oui, mais je le sais pas. Oui, English, c'est ça. English, yes. Tandis que... Eric est content de voir le derrière. Non, pas de seconde, Mel. Mais en tout cas, ça va être quelque chose que je pense... D'après moi, tu risques d'aimer pour son côté absurde en même temps. Puis, Donc, Strike Witches. Guys, premier enregistrement 2013. Et pas le dernier. Pas le dernier, c'est clair, net et précis. J'espère que non. Qu'est-ce qu'on souhaite aux gens en 2013? Moi, c'est un souhait que je fais depuis que je m'en rappelle, mais c'est en anglais, mais je dis toujours « health and wealth », dans cet ordre. Ouais. Donc, la santé, succès. Ouais. Santé, succès tout le temps. Excellent. Milton? Je souhaite un... L'amour, ça fait partie, ça vient naturel. Hey, prends pas tout pour toi. Ça vient avec l'argent. L'amour, ça vient avec l'argent. Donc, l'amour, l'argent, le succès. Non, moi, en tout cas, je souhaite une année normale à tout le monde, puis... C'est ça. Excellent. Bonne année, tout court. Cool. Mélane, faites que vous voulez. Moi, mots pour nos auditeurs. J'ai envie d'aller dans le non habituel. Je souhaite beaucoup de découvertes geek aux gens. Excellent. De bonnes découvertes geek. Parlant de découvertes geek, j'ai une copie de Desperate Housewives PC à vendre. si jamais vous la voulez, tout moi, je prêt à la ça. Mettre au tirage dans le groupe, là, s'il veut. On fait comme Monsieur Net, ouais, on fait un bon Noël. Ouais. Ah, des manettes d'or. C'est une bonne année, c'est une très bonne idée. Non, mais je vais pas donner toutes mes DVD cool japonais. C'est une très bonne idée. Toutes les Desperate Housewives de ce monde, on peut, qu'on veut se débarrasser. Non, c'est très vilain. On peut mettre des DVD, en tout cas, on met tout dans le dedans. Non. Moi, je vais vous laisser sur une pensée qui m'a inspiré beaucoup en fin d'année 2012, puis je vous souhaite qu'elle vous apporte autant de bien que ça m'a fait, mais pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, on va vous souhaiter une année pleine de succès, de découvertes, de santé, tout le kit. On va vous souhaiter surtout une année avec nous. Oui. À nous écouter. On vous remercie d'être là. Puis on va essayer de vous apporter d'autres contenus de qualité au travers de 2012. Donc, pour la première fois cette année, mon nom est André Paquette. Vous pouvez me suivre sur Twitter via UzumakiQC. Sinon, je vous invite à interagir avec nous via la page Facebook ouais. du groupe facebook.com/geekcollectif, le podcast. Moi, c'est Eric. Puis je vais faire différent parce que je suis tellement pas actif Eric. Sur Twitter. J'essaye. Puis Chris, peut-être Milter peut me donner des cours de Twitter un jour, mais j'ai vraiment de la misère. Il est spécialiste en médias sociaux. Mais vous pouvez me trouver sur Montréalien à Twitter. At Montréalien à Twitter. Mais tu peux aussi me... Je veux dire, tu peux subscribe à moi sur Facebook. At Montréalien aussi, là. C'est facebook.com/Montréalien. Excellent. Moi, je change à... changer de... Là, je suis à Art Zombie Milter. Je pense que je vais changer bientôt à Honey Boo Boo Milter. Ah! Hey, pourquoi que tu sors du Honey Boo Boo à la fin pis on a même pas parlé de Honey Boo Boo? Non, mais j'aime mieux ça de même, moi. C'est juste moi. Je voulais... oui, j'ai écouté le spécial Halloween. Mais... Je dis ça de même, là. J'ai... Il semble que ça sonne bien comme Twitter. Fait que je pense à changer ça. Présentement, j'ai Zombie Milter, mais... Je suis sûr que Honey Boo Boo... Honey Boo Boo Milter, me semble, c'est... Ouais, mais pas Honey Boo Boo Milter. Ouais. Fait que... Mel, toi, c'est quoi, non? Moi, c'est la grande geek avec 3-3 au lieu de 2 E. Dans geek. C'est compliqué. T'as l'air enthousiasmé de... 3-3... Mais là, 3-3... OK, ouais. La grande geek... C'est pas 2-3? J'ai 3-3 K. Ok, ben c'est parce que 3-3. Moi, 3-3, c'est comme 9. Ben, c'est ça, c'est 9 au cube. Donc, on va être de retour d'ici 2 semaines. Oui. Pour pouvoir vous apporter un autre épisode de qualité. Sur ce, en attendant, nous vous demandons de partager vos commentaires et opinions avec nous. Envoyez-nous si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute. Oh, des emails, faites plaisir à aussi. Ben ouais, faites-moi plaisir, là, du courrier que je puisse lire. Le prochain épisode, si on a des du courrier, je vais le lire. Des photos de monde qui s'écrivent Geek Collectif sur le chest, là. Oui. Tu sais, ils font ça sur 4chan, là. Sur des seins. Oui. Ouais, ouais. OK. Ouais. Si vous êtes rendu loin comme si ça dans l'émission de podcast. Si on creuse dans l'Internet. Non, mais si vous êtes rendu à ce temps ici dans le podcast. C'est ça, je veux. Beyond the Black Rainbow, c'est vraiment mon film de l'année. Je n'ai pas dit pas. On va vous laisser sur ces paroles de sagesse. Merci d'être avec nous. Merci. Bon 2013. Bonne année. Bonne année. Et surtout, à bientôt. À bientôt. Au revoir.